Vous écoutez présentement Radio H2O. Sur les ondes de Radio H2O. De les jovialistes chauds! Fait qu'elle le regardait avec son chum à l'époque qui était Guy Lepage, puis lui trouvait ça très bon, puis là il a dit « Ok, j'amène la cassette au poste de Radio-Canada ». Fait qu'il est arrivé en hélicoptère sur le top. Lui, il passe pas par en dessous, il arrive sur le top. Il a brûlé comme 1000$ de gaz pour aller porter la cassette. Tous les mercredis soirs de 20h à 22h. Radio-H2O.ca. Ensemble, nous sommes la force. Salut tout le monde, ici Patrick Archambault d'Alpha 42. Et toi, tu veux continuer de nous encourager dans notre belle aventure? Voici moyen que tu peux le faire. Premièrement, Facebook, Twitter, aimez-nous, partagez-nous. iTunes, télécharge-nous et laisse-nous un commentaire. Sinon, tu peux aussi nous encourager monétairement en laissant un don PayPal ou en faisant tes achats via le lien Amazon sur les sites Alpha 42, Spike Celeste 42, Bistro 42 et Xbox Québec. Sur ce, merci de nous encourager et bon podcast! C'est un mouvement de solidarité envers les proches et les victimes de l'attentat. Le monde dit pas. C'est un mouvement-là, dans le fond, ce qu'il dit, c'est comme cessons la violence, puis justement, vous êtes capable de répondre par l'humour, vous êtes capable de répondre par d'autres choses que par les armes. C'est ce que ça veut dire, puis surtout comme par rapport justement au monde qui se sont fait comme attaquer dans le fond puis qui sont morts, c'est un mouvement pour ça, c'est pas pour la liberté d'expression, pas nécessairement, t'sais, c'est pas de toute façon j'imagine que la moitié du monde qui sont là-dessus savent même pas ce que ça veut dire. Parce que moi honnêtement, quand j'ai commencé à voir ça passer sur mon fil Instagram, ça a vraiment été comme what the hell is that. J'ai été faire mes recherches. Mais tu sais, j'ai rien posté, moi. Je fais juste dire que c'est épouvantable ce qui s'est passé, là. C'est aucunement cautionnable, là. Ah, Chantal, t'es-tu d'accord? Mais je comprends pas ton point d'abord, Patrick. C'est que moi, de la façon que je voulais dire, c'est que le monde disait on est Charlie parce qu'on a le droit à l'opinion. On a le droit de parler, on a le droit de donner notre opinion sans avoir de répercussions dessus. Mais non, voyons donc. Mais non. C'est pas ça que ça veut dire. C'est que pour la plupart du monde, c'est je suis Charlie. Ils mettent ça ben, en partie comme pour aller avec le mouvement solidarité. Là. Mm-hmm. Charlie Hebdo ont fait des blagues, ont fait des commentaires, ont fait des affaires qui sont pas nécessairement drôles. Mais regarde, je vais te dire une phrase. Là, c'est, je me rappelle plus c'est qui a dit ça, mais c'est comme. En gros, c'est. Monsieur, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je vais me battre pour que vous ayez le droit de le dire. Mais avant, qui connaissait Charlie Hebdo ici, avant ça? Ben moi, parce que je suis là-dedans. Mm-hmm. Excusez, j'étais sur silencieux. Je trouvais que c'était genre un safari, mais drôle. Ben moi, je connaissais c'était ça pas, aussi parce que je lis beaucoup. C'est vrai que je lis beaucoup de caricatures et de BD dans la vie, mm-hmm. Fait que... Je te dirais que je connais ça, là. Mm. J'aime beaucoup les BD francophones et ça, fait que... Parce que je pense justement que de montrer... Tu sais, c'est comme quand que tout le monde avait Never Forget 9/11 sur leur Facebook. Ben, pas sur leur Facebook, mais sur leur... Donc, il n'y avait pas de Facebook, MySpace hein? Dans ce temps-là, genre sur leur MSN. Je sais même pas si MySpace existait. Ah, MySpace, oui, là, en 2001, oui. Mais en tout cas, toutes ces affaires-là... Ça devait être sur ton MSN, là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, sur ton MSN, après des répliques de tunes de Linkin Park, là. T'oublies les répliques de tunes de Avril Lavigne. Ouais. Il y en avait de mes amis qui avaient du Avril Lavigne parce que c'était so cool. Mais en tout cas, tout ça pour dire. Hein? Non, c'est correct. Okay. Ben, tout ça pour dire que c'est pas tout le monde qui dise après ça, ah ouais, ok, fait qu'aller en guerre. Tout ce que ça veut dire, c'est comme, hey, y a du monde qui sont morts pis y aurait pas dû. Comme, je suis solidaire avec le fait. Le libre droit de parler, je pense que c'est ce que le magazine représentait. Fait que s'il y a du monde qui utilise ce hashtag-là en se disant, ah ouais, je suis down de. Tu sais, je veux dire, moi j'ai un ami qui il s'est fait. Comme une pin, là, un écusson, là. Je suis Charlie. Puis ce gars-là, c'est une des personnes les plus intolérantes que je connais au monde. Je déteste les gays, tout ça. C'est justement ce que je voulais dire. Ouais, mais c'est ça. Puis j'ai dit, écoute, pour vrai, quoi? Comme, ben non, c'est pour prôner la tolérance. Puis il m'a dit, ben en fait, non, c'est pas. Puis là, il m'a expliqué c'était quoi le hashtag, tout ça. Puis c'était vraiment genre, il dit que. Lui, son propos, c'est qu'il y a les crises de musulmans, puis blablabla. Puis là, moi, je cautionne pas ça du tout, là. Mais, tu sais, genre, il était triste pour le monde qui ont perdu leur vie, du monde qui ont perdu leur ami, du monde. Mais ça n'a pas de bon sens, pareil. Ben, c'est ça. Mais pour la majorité du monde, ça veut pas dire qu'ils sont d'accord avec mais non, c'est sûr que ce non. que Charlie Hebdo faisait, tu sais. Je te rappelle que la France, la dernière fois qu'on a entendu parler, à part ça, c'était quand ils faisaient des protestations dans les rues contre les gays. Ouais, fait contre la légalisation du mariage gay, t'sais. Exactement. Je te dirais que t'sais. Je suis quelqu'un qui est. Moi, pour moi, je suis Charlie, disons que j'ai la même interprétation qu'Alex, mais je sais que Pat va avoir. Pat pense qu'il y en a qui sont d'interprétation comme les crises de musulmans. Désolé, je suis quelqu'un de ultra tolérante. Moi, là, écoute, je ne nommerai pas de nom, mais ça m'est déjà arrivé de rencontrer quelqu'un que personne savait si c'était un gars ou une fille. Puis personne n'osait y demander. Moi, j'ai fait, hey, t'es nouveau ici? Et j'ai dit, hey, tu viens de commencer, c'est ta première journée, c'est quoi ton nom? Elle me dit son nom. Là, je suis comme, hey, salut, ça donnait que c'était une fille. Toi, on a fait comme. Oh, là, tout le monde a commencé à parler, mais tu sais, moi, je suis madame tolérante. T'as 6 bras, 2 yeux, je vais venir te parler puis te faire un high five. Comme dans Futurama, là. Ben, des fois, je serais de bonne comme ça dans Futurama. Non, la preuve, j'ai pas de cerveau, puis elle me parle. La preuve, c'est que je dis qu'il y a un grand cœur, mais pourtant, je parle. Mais il y a vraiment un grand cœur. Moi, je suis tolérant en tabarnak, c'est juste j'haïs les religions. T'sais, c'est pas le monde que j'haïs, c'est pas le monde qui croit aux religions, c'est la religion. Ça, on est c'est deux, Alex. D'après moi, ça, c'est néfaste, puis c'est toutes les religions. T'sais, bouddhiste, fuck you. T'sais, genre, j'ai déjà. Il me semble que c'est pas la Chine qui sont en majorité bouddhistes, puis comme qui font de l'intimidation contre un pays complet, puis qui essaient de l'assimiler. Me semble. En tout cas. Du Tibet, là, genre. Ouais, hein. Ouais, ça aussi, c'est pas vraiment cool. Toutes les religions sont des idéologies qui ont pu leur place dans un monde. Mais tu sais, le monde, tant que tu vas mourir, le monde va se demander qu'est-ce qu'il y a après. Puis la meilleure chose, c'est pas la politique pour répondre à ça. Là. C'est pas, tu t'en vas pas voir ton candidat de fédéral pour leur demander. Ben, ouais, ben, si t'en vas voir ton candidat du fédéral, peut-être qu'ils vont te dire c'est Jésus. Là, mais. C'est bon, Monsieur Harper, qu'est-ce qu'il y a après la mort? Mais il y a l'enfer ou le paradis. Il va faire, bon, mais je vais avoir des gens d'enfer, yeah! Tu es Québécois, tu vas donc avec en enfer. Avec ce que j'ai fait en 2014, c'est sûr que je vais avoir en enfer. Mais non, c'est ça. J'ai empêché la famille. C'est ça, d'après moi, c'est ça. C'est. Puis, tu sais, il y a bien du monde qui disait justement, les musulmans, honnêtement, là, c'est des malades mentaux. C'est pas. C'est pas la faute des religions, c'est du monde qui se sont fait manipuler. Endoctriné. Qui sont assez caves pour aller se faire sauter, je veux dire. Ouais, mais c'est ça, rendu à ce point-là, c'est comme pas la religion, c'est les personnes qui suivent la religion en tant que telle. Ouais, c'est. Ben. C'est. Oui, mais. Comme, ça aurait pas été ça à cause d'un. Ben, je dis ça, en fait, peut-être. Mais tu sais, ça pourrait être un groupe à plat d'une religion, ça reviendra au même. Ben, t'sais, ouais, mais souvent les groupes. C'est d'une religion. C'est ça. Ben, oui, mais bien. Attends, celle-là, par exemple, j'ai de la misère. Chaque fois que quelqu'un me la shoot, celle-là, j'ai de la misère. C'est pas parce. Redis-moi non ton mot que tu as dit à propos des musulmans, là, c'est. En tout cas. Ben, j'ai dit que ce monde-là, c'était des malades mentaux. Bon, ok. Oh, attends. Pas, okay. Pas la religion musulmane. Non, mais c'est que justement, c'est ce que j'essaie de... c'est le mot que je déteste le plus. Et c'est ce que je me bats depuis 36 ans à dire au monde. C'est pas parce que la personne a une opinion contraire à la tienne ou à la majorité... Attends, Alex! Alex, c'est... Oui, je suis d'accord, mais attends, c'est pas parce que la personne a une opinion contre... Et je parle pas juste dans cette situation-là, je parle en général. C'est pas parce que la personne a une opinion contraire à la tienne ou à la majorité du monde que c'est normalement, un malade mental. Non, t'as raison. Ça, c'est... là, ça me fait saigner les oreilles. Non, attends, deux secondes. C'est pas à cause qu'il y a une opinion différente de la mienne. Il haït Charlie Hebdo, il aime Charlie Hebdo, je m'en calisse. Il va tuer du monde dans un building. C'est les actions qu'ils font par après, ouais. Les vraies actions. De... Tu tues du monde pour une idée parce que le gars, il a ridiculisé ton affaire, envoyé un message fâché sur Twitter... Tabarnak, il va pas le gonner lui pis ses chums. Et au fond, il peut dire qu'il peut, penser que c'est ce qu'il veut, mais c'est plus mais quand oui. C'est rendu aux actions que ouais. C'est ouais. Rendu. Moi, je me calisse. Pour vrai, il y a quelqu'un qui aime pas ce que je fais, c'est pas un malade c'est mental. Son, y a quelqu'un... son problème, c'est ouais, juste qu'il aime pas ça. Pis, ben c'est ça, pis il y a quelqu'un qui dit que je compte faire telle action, c'est correct. S'il vient me tuer, là, il y a un hostie de problème. Non, parce que, regarde, là, j'embarque dans le personnel, là, mais chaque fois que j'ai une opinion contraire ou que je fais quelque chose qui est comme pas rationnel pour le monde des communs des mortels ou qui est normal, ça veut dire 99% du monde qui existe sur cette planète, ou d'abord 6 999 999, ouais, personnes, je passe tout le temps pour un malade mental. Comme toi, Pat. Hein? Non, excuse-moi. Si tu trouves quelqu'un d'autre qui est comme moi, là... Crois-moi, il y en a d'autres. Mais tu dis sur cette planète, puis on est... Il y en a d'autres. Tu dis sur cette planète, mais tu mets ça à 7 millions. Ça, tu parles au Québec, là. Pas dans le monde. 7 milliards. C'est ça. OK? OK? Bon. Mettons, là, mettons qu'on est 7 milliards et 1, là, OK? Parce que là, commencer à dire, là, 6 milliards, 9... tu vas me prendre au troisième neuf, là. Mettons qu'on est 7 milliards et 1, là. Mettons que je suis pas mal unique dans mon genre, là. Ben voyons, il y en a d'autres. Ouais, non. On m'a toujours dit que t'as un double en quelque part dans l'humanité, puis tu sais que c'est vrai. Chaque personne ressemble à une autre personne dans le monde. Ah, mais de chacun... façon, tout le monde est unique, mais tout c'est le monde ce que est pareil, là. Tout le monde est unique, fait que tout le monde est pareil. Qui joue Simon Durivage? Chez moi, il doit jouer Simon Durivage. En tout cas. Mais ce que je veux dire, OK? Oui, vas-y. S'il y a du monde qui te disent que t'as pas raison, puis qu'ils utilisent ça pour... Puis ils utilisent, dans le fond, le fait que t'as fait d'autres actions dans ta vie ou t'as tel truc, dans le fond, là, appelle ça comme tu veux, là, difficulté ou whatever. Puis s'ils utilisent ça, en partant, c'est qu'ils te parlent pas de ton propos, ils te parlent de toi. Fait qu'ils sont en train d'être erronés dans leur... sont en train de te faire gagner dans ce qu'ils disent parce que ils utilisent pas ce que t'as dit ou tes idées, ou ils utilisent ce que t'es. Puis ça, c'est... Ça peut jouer... C'est pas une vraie façon d'argumenter, là. Ça a pas rapport, là. T'sais, si je te dis... moi, j'aime pas la couleur bleue parce que je trouve que c'est laid. Puis tu me dis, ouais, mais tu sais, en même temps, t'es straight, c'est normal que t'aimes pas le bleu. C'est comme, c'est quoi le crisse de rapport? Non, tu pourrais dire mieux que ça. Mon père, une fois, il y avait quelqu'un qui avait dit qu'il aimait pas la couleur bleue, puis c'est vraiment arrivé. Il a fait, c'est sûr, t'es fédéraliste. Là, t'es en train de me parler de le symbole politique de nanana. Non, esti, le drapeau du Québec. Mes yeux ne trippent pas sa couleur bleue, esti. C'est pas les idées en arrière, en tout cas. Des crétins, ils vont en avoir toute leur vie. C'est ça, je fais la différence entre les crétins. Ils vont avoir plus dans politique encore. Ben ouais, c'est ça. Mais moi, je fais une grosse différence entre les crétins et ceux qui sont dérangés. Là. Ceux qui sont dérangés sont capables d'aller se faire tirer dans une guerre qu'ils n'ont pas commise. Puis ils sont bien corrects avec ça. Puis tout ce que la personne en avant d'eux va leur dire, ouais, il n'y a pas de problème. Puis ben, ok, Genre, t'es capable de penser par toi-même. Mais c'est ça. Il y a du monde qui ont absolument, absolument, absolument besoin de réponses puis de se faire dire comment penser puis quoi dire puis quoi faire. Ben, ce monde-là, malheureusement, c'est bien correct. Puis je te dirais, 99,999% du monde vont juste faire leur vie en faisant rien de méchant puis ça va être bien correct. Mais le 0,01% va aller se faire sauter d'un building avec des enfants ou genre rentrer dans deux polices avec son char à Québec, genre à Saint-Jean-sur-Richelieu. Fait que tu sais, c'est. Après ça, c'est ça. La religion te pousse à faire des choses si t'es déjà faible d'esprit. Mais faut que tu sois faible d'esprit en partant. Comme on disait tantôt, ça peut être la religion, une secte, un groupe, parti fédéral. N'importe quoi, là. Hey, cool, ça fonctionne. Hey, tout le monde, on voit vos photos de Skype en ce moment sur le... Ouais, oh, non. Oui, ben non, c'est que là, j'en profite parce que on va être d'accord entre nous autres. Là, le show n'est pas sur Radio H2O pour encore des raisons que j'ignore. Ils ont encore changé serreux, sûrement, comme la semaine dernière. Puis vu que le taux d'audience... À partir de cette semaine, le mardi soir risque d'être. Fait que. Ah non, mais je suis sûr qu'on a deux doutes qui vont nous écouter encore à soir. Ouais, t'es deux doudis d'habitude, là? Ouais, Victor pis Guillaume. Je les salue s'ils nous écoutent déjà, là. Oh man, Guillaume m'a dit: ouais, on se voit mardi! Ah, sacrifice. Ah, j'aime ça, vous écoutez! Ah, ok, d'accord, Guillaume. Mais en tout cas, tout ça pour dire que. Ben là, à partir de. Comme. Là, c'est sûr qu'on est comme plus beaucoup. Fait que j'en profite. Hey! On va faire quelques tests de mon côté. Tu parles de Radio Talbot? Ouais, ben c'est ça, regarde. Ça commençait ça à soir? Oui, ouais. Ça commençait à soir. Ah, ok. De toute façon, mais ça va fonctionner comment l'abonnement? Est-ce qu'il va continuer à avoir du podcast à iTunes? Oui, oui, non, c'est. Oui. C'est juste que qu'est-ce que. Moi, que... je peux pas l'écouter en ligne. C'est que... iTunes, YouTube, compagnie. Voyez-vous, en ce moment, je suis. Pas pour pareil, fuck you, puis aller l'écouter. C'est-tu combien Camille doit le faire en ce moment? Zéro. Personne va non, le faire. Non, parce que tous nos fans sont super contents qu'on soit là ce soir. Yay! Yay! Yeah! OK. Pour continuer, Denis a réussi à avoir son membership Twitch. Par le membership Twitch, c'est simple, il faut que tu aies plus que 500 auditeurs en moyenne par show. Ça, il va réussir à l'avoir. Ça, ce qui est... Ben, regarde, il y a au moins 1000 par show. Si Stéphanie Harvey est capable de l'avoir, je vois pas pourquoi lui ne sera pas capable. Je sais, regardez, là, je viens de me faire tirer des roches. Et, en plus, c'est sur Patreon. Ça, j'y avais pensé depuis longtemps. OK, Patreon, c'est simple. C'est Patreon, c'est simple. C'est comme un Kickstarter... sans limite. À l'année. Et c'est vraiment... donner du crowdfunding. Et c'est vraiment... Et c'est vraiment pour les podcasteurs, les shows web, c'est vraiment pour le monde qui font du nouveau média sur Internet. Et ça, j'en avais fait un pour nous autres. Je l'ai comme jamais vraiment activé parce qu'il est écrit n'importe quoi puis il est pas rempli, mais il est là. Et là, tu fais la publicité. Tu sais, il est là, il est fonctionnel. Tu sais, patreon.com/alpha42, il existe. Ouais. OK, mais pourquoi tu l'as jamais vraiment activé? Créé, on peut avoir du cash. Non, mais attends, c'est parce que en gros, c'est ça marche par subscription. Ouais, ça marche à... Mettons, moi, je te dis, je vais te donner 1$ par mois, puis là, tu dis OK, parfait. Ça te donne... droit de regarder le podcast, ça te donne... si tu payes 15$ par mois, ça te donne, mettons, un t-shirt. C'est ça. Ouais, moins que Kickstarter, t'sais... mais plus. Ouais, comme tu as dit. Parce que Kickstarter, il y a un but, ça prend tant de temps. Un but lucratif. Non, je veux dire un but comme 500 000 piastres, mettons. Regarde juste l'an passé, Véronica Mars, puis regarde juste... ça, je le regrette tellement pas avoir pu participer. Mionix l'ont fait, puis ils l'ont atteint comme borderline leur objectif parce qu'eux autres, ça allait être OCS que ça allait exploser. La fameuse souris intelligente que j'avais parlé juste avant les fights. Ouais. Ils l'ont mis sur Kickstarter. C'était un projet Kickstarter. Moi, j'avais dit au gars, regardez, c'est sûr, je vais financer. Finalement, ben, l'argent du Kickstarter a été ailleurs. Maudit site. Et ils l'ont. Est-ce que je mette une pièce par mois, moi? Ça va se retomber dans le bord de pit. Ben, c'est que je nommerai pas certains autres projets, mais j'ai déjà vu des projets que les personnes avaient essayé. De, pas avec pas Kickstarter, mais l'autre site là. Ah ouais ouais. Et comment ça s'appelle déjà? Ouais ouais, avec mon ancien programme, on utilisait ça. Ah, mais merde. C'est pas Kickstarter là, ça en est un autre. Ouais, là. Je sais. C'est, et québécois là. Je sais pas si c'est québécois, mais français, en tout cas. Là, en tout cas, le président il est français. Ça c'est de l'affaire, genre, c'est pas comme Kickstarter que ton argent, tu l'as seulement si le projet fonctionne. T'sais, tu donnes ton argent all the way. Indiegogo, c'est ça? Oui, c'est Indiegogo. Ouais, c'est francophone, ça, me semble. J'ai vu des projets qui étaient Indiegogo, là, que les seuls donateurs qu'il y avait, c'était du monde du projet. Ouais. Mais veux-tu que j'en fasse? Ça va juste pas avoir de la pantoute pathétique. Mais non, mais en fait, c'est ça. C'est comment ça marche, c'est ça. C'est faut donner du stock au monde. Fait que, tu sais. Ouais. Ben, moi, je sais que j'ai... Ça sert comme un peu à rien. C'est quasiment mieux de mettre juste le lien Amazon ou le lien... Moi, ce que j'ai marqué, c'est que la personne qui donne certains montants d'argent, là, j'ai pas tout établi, mais la personne qui donne 50$ par mois, on va faire le E3 chez lui. Ben voyons donc, 50$ par mois... Je peux le mettre à 10$ si tu veux. Puis t'avais dit quelque chose pour les éditeurs. Si tu le mets, une pièce par mois, je le fais puis j'amène un Pepsi. Non, j'amène au moins une caisse de 24, d'autres amènent des Monsters, let's go, un autre amène de la coke. Tu sais, on peut y prendre 50$ par mois pour amener du stock, Pat. Ou il donne un chat, je sais pas. C'est des idées que j'ai élaborées. D'accord, ok, fait que gang, je vais essayer de couper un de mes chats, puis je vais y donner un chat au dos. C'est des idées que j'ai élaborées, que j'ai pensées. J'ai pas dit que j'allais faire ça. Mais gang, c'est quelqu'un qui veut un chat, c'est de moi. Ah, ok. Fait que c'est ça. Bon! Là, avant qu'on commence le podcast, qui est déjà commencé, parce que je pense que je vais laisser ça quand même, le bout de Charlie Hebdo, ce qui est le fun avec Alpha 42, et ce qui est le fun avec Radio H2O. Je m'en ai dit autre chose, mais je vais me la fermer. Ta gueule. Je sais. J'ai comme la voix d'Alex. Là, dans ce moment-là, tu fais Audrey, merci. Non, j'ai la voix d'Alex qui me dit ta gueule dans ma tête. Non, la voix d'Audrey et d'Alex font ta gueule. Non, juste Alex. Non, c'est comme quand je suis au volant, puis j'ai Caro qui est à côté de moi, puis c'est comme... J'ai comme la voix de Caro qui me dit « Fais attention, Pat! » Puis là, j'ai le sourire aux lèvres, puis elle a le sourire aux lèvres, puis c'est quoi je t'ai dit, là, « Fais attention, je suis en avant! » Justement, ça, je m'en allais dire. En tout cas, tout ça pour dire, là, mes adresses courriel refonctionnent. Yeah! Yeah! Oui. Mais pas encore les sites. Non. Les sites pourraient refonctionner. Yay. Sauf que le problème, c'est qu'au lieu d'apparaître alpha42.net, ben, vous pouvez encore taper www.alpha42.net, il n'y a pas de problème. Sauf que quand on va sur le site, c'est écrit alpha42.blogspot.com. Fait qu'on est encore sur le problème. J'aurais jamais pensé que c'était aussi compliqué que ça de transférer un site. Et l'hébergement et compagnie. Non, c'est juste que je sais pas, regarde, je connais rien là-dedans, j'essaie de comprendre, puis je pense que c'était un gros fouillis-fouillis, qu'est-ce qui s'avait passé avant, puis on essaie de comprendre comment que ça se faisait. Puis en tout cas. C'est quand même clair que Balado Québec ferme pour ça met du trouble dans plusieurs. Plusieurs podcasts. Ouais, parce que je m'en ai dit, si tu penses que c'est plate, Balado Québec ferme, je m'en allais dire, Pat, on va censurer le show, là. Ah, ça est plate que un balado de Québec ferme, hein? Ta gueule, Audrey, je sais. Hey, j'ai bien aimé le service de Daniel pendant 5 ans, mais il y a des fois, là, ouh! Mais je vais m'en retenir parce que le gars, il a quand même offert un bon service pendant quelques temps. Tu sais? Ouais, mais ça a fait partie plusieurs. Changement aussi. De sujet totalement. Oui. Ben, Pat, il essayait de dire de quoi. Non, ouais, c'est tout. Ben, c'est juste pour dire qu'on est en, on travaille encore sur le fait de ramener le site Internet en vie. Moi, je veux juste dire qu'il y a quelque chose, ce message de même. Puis si quelqu'un me dit que j'ai pu pas avoir de lien avec la communauté québécoise quand il s'agit de les liens culturels, sachez que j'ai rencontré quasiment, on dirait, toute l'Union des artistes, moi, mardi, cette semaine. Ah ouais, où ça? Toute l'Union des artistes. Je niaise pas, Alex. Attends une minute. Je t'avais pas lu... Pas de l'union, mais... 15 000 membres. 15 000 membres, mais j'ai rencontré presque 500 personnes qui m'ont serré la main. Mais c'est pas toute l'union, les amis. C'est pas toute l'union, les amis. Je sais pas ce que je peux dire, mais c'est parce que j'ai vu le cast de Yamaskou grand complet, le cast de Unité 9, le cast de 19-2, j'ai eu le cast de Le Berger Noir qui est venu. Comment ça, tout ça? La femme à mon nom qui est décédée. Ouais. Et mon nom qui est en Michel. Mon nom qui est en Michel Dumont. Oh mon Dieu, tu devais avoir du chat à messe, toi. Et tabarnak. J'ai parlé avec Guylaine Tremblay pendant 20 minutes, t'sais. Non, regarde, là, si la femme de Michel Dumont meurt, là, excuse-moi, là, c'est, t'as du monde à la messe, là. Ah, il y avait du monde à la messe. Puis là, tout le temps, c'est beau, hein, qu'est-ce qu'ils ont marqué dans la revue. Écoute, ils sont là, c'est beau ce qu'ils ont marqué dans la revue. Je suis sur quelle revue? Il y a quelqu'un qui m'arrive, oui, dans l'Écho Vedette, comme, what the fuck? Mais c'est ça, ben, écoute, j'étais comme... C'était une longue journée, disons, mardi. J'étais comme, tabarnak, ma tante est morte, ça crée moi patience. Fait toute l'Union des artistes. Non, mais tu comprends. Alex, tu comprends ce que je veux dire? Non, Alex, on parle de Michel Dumont, là. Non, je sais bien, là. C'était une façon littérale de parler, mais tu sais, regarde, quand même, tu comprends, il y avait crissement du monde. Excuse-moi, là. Il y avait du monde, calique. Tu sais, excuse-moi, t'écoutes Yamaska, puis Michel Dumont apparaît, tu te prosternes à ses pieds à chaque fois qu'il apparaît, là. Ah, pis moi, Yamaska, j'aime assez, non. Hey, excuse-moi, moi, là. Je m'excuse, là, mais... Attends. Pas obligé de l'aimer pour dans Yamaska, mais quand tu le vois jouer au théâtre, même, tu te prosternes à ses pieds, parce que... Je parle pas de sa carrière à lui, je parle de Yamaska. Oui, mais attends, c'est que... Alex, c'est que moi, c'est pas la même affaire, OK? Je te donne un exemple, OK? En langage geek, OK? Langage de gamer. Je fais la vaisselle sans XP points. Je fais le ballet 100 XP points. J'écoute Yamaska, 1000 XP points. Ouais, c'est ça, ouais. Tu sais, moi, là, mes points, mes XP points, je vais aller chercher lundi soir. J'ai rencontré à blonde à Pat. Grâce à moi, Pat rencontre le casque Yamaska avec sa blonde. Pat gagne 2000 XP points. Non, je gagne pas 2000. Non, je gagne pas 2000 XP points. Je gagne 2000 pipo points. C'est pas pareil, là. T'as une autre catégorie, toi? Moi, c'est comme pas mal la même affaire. Non, mais XP points, c'est juste les points qui me permettent de jouer à des jeux ou de gagner de l'expérience en couple. Non, moi, j'ai commencé à écouter Once Upon a Time, qui est excellent, ma foi. Je m'attendais pas du tout, puis... Seigneur. Je fais plaisir à quelqu'un dans la maison. Ouais, moi tout, hein? Je pense que je faisais par ces bons Once Upon a Time. Ah ouais, mais c'est ça, mais je sais, tu sais, je m'en doutais, là, je veux dire, c'est ABC, pis tout, je sais, ah, ça va être hot, pis... Mais la seule affaire... Je suis comme surpris que ça soit plus hot que ce que je pensais. Y'a-tu quelqu'un qui est à Jean Carter? Ouais, c'est vraiment bon, pour vrai, là, tu sais, ça fait différent pas mal d'Agent of S.H.I.E.L.D. que, là, sont rendus avec les aliens pis toutes les affaires, là. Ouais, mais... C'est vraiment plus une série comme... policière slash agent secret, là. Fait que c'est la pas cool. La seule affaire que j'ai de la misère avec Agent Carter, c'est le père de Tony Stark. C'est comme tu dis, Colin, à quel âge qu'il y a eu Tony Stark, puis Tony Stark a quel âge? Hey, son père a fait la Deuxième Guerre mondiale, là. Ouais, mais il doit avoir genre 30 ans, pas plus. Là. Ben oui, mais Colin, Tony Stark a quel âge pour que son père ait fait la Deuxième Guerre mondiale? Ben, il l'a eu vieux, son fils, là. Dans l'émission, il l'a tué? Il l'a pas encore, là. Ben, c'est ça. Fait que mettons qu'il l'a non, à 40. Ben, d'après moi, je pense que c'est ça. 40 ans, puis Tony Stark, il doit avoir 40. Fait que 40-50, gros top. Ouais. Ben, c'est parce que Tony Stark, je veux dire, la première apparition de Tony Stark, c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale. Fait que, non, pendant le Vietnam, en fait. Ouais. Puis il y a 80 ans. L'autre affaire, c'est que là, on va aussi à. Non. Hey, j'ai de la misère à le prononcer. Pas Jarvis. Jarvis. Ouais, Jarvis. On voit Jarvis en être humain. Ouais. Et on verrait le premier Ant-Man d'ici la fin de la saison. pour faire le lien avec Michael Douglas et le film Ant-Man là, qui va sortir, là, qui, excusez-moi, là, mais Paul Rudd, il aurait pas pu trouver mieux. Là. Surtout, ça a l'air excellent comme ah, film, mais là. Surtout sa phrase à la fin, il est-tu trop tard pour changer de nom? Ouais, ben quand... honnêtement, mais moi j'aurais fait. Ben, Ant-Man en plus change de nom 50 fois. Là. Non, vous saviez pas? Ok. Ben, j'ai jamais vraiment lu la Ant-Man, à un moment donné, genre, il pogne la phobie des insectes, il devient Giant Man. Puis après ça, il devient Yellow Jacket. Parce que là, il est genre rendu. Yellow Jacket, c'est pas un autre personnage? Ben, il me semble qu'il prend le persona de Yellow Jacket. Mais il me semble qu'il y en a un autre après. Ouais, mais c'est ça, me semble. Yellow Jacket, c'est un autre personnage. C'est pas le même, me semble. Ça se peut. C'est pas même une fille, Yellow Jacket. Non, non, tu parles de Wasp. Ok, ouais. Wasp, c'est sa blonde, là. Ouais, ben c'est ça. Jane, là. Quelque chose. Comment? Jane, je me rappelle plus quoi, là, son nom, là. Mais ouais. De Wasp. Parce qu'elle aussi peut devenir tout petite, puis elle tire des. Genre des épines bio, quelque chose, en tout cas. Moi, ben non, mais c'est parce que. C'est vraiment comme. Moi, un personnage qui m'a jamais. En fait, non, il m'a jamais. Genre, don't give a fuck. Ça a vraiment ressemblé à ça. Je viens comme. Non. Ouais, mais excuse-moi, mais ton Ant-Man, là, peut devenir ton. Ton Guardian of the Galaxy de cette année, là. Oh, je sais, j'ai jamais dit que I don't give a fuck du film. Moi, je te parle que quand je n'ai pas lu des BD ou quand j'ai vu, je suis comme. Donc, je vais aller lire mes Caspia Girls de My Little Pony parce que je les ai toutes lues. Et oui, Pat, j'ai commandé genre pour 50$ de BD parce que je suis une tabarnak de Mongol. On les a dans le OneDrive. Oui, mais là, c'est parce qu'il y en a d'autres qui sont sortis, mon chou. Ben, c'est que je les ai toutes. Non, non, t'es pas toutes. Il manque les micro-series, là. Ouais, fait que j'ai tout été acheté ça. j'ai acheté les artbooks. Puis là, j'ai tout ça. Puis j'ai voulu tout en vrai. Tu m'as dit physique ou numérique, mais tu as dit en vrai. J'ai voulu tout en vrai. Fait que là, j'ai mis les tout posé en vrai. Puis là, je suis en train de me monter un beau portfolio avec plein de dessins. My Little Pony, quand t'as yack. Ben... Pour vrai, là, je pense Audrey, le 8 ans. Audrey est vraiment gelée à dos. Si Audrey a 8 ans, je veux pas savoir l'âge que j'ai. Le pire, c'est que vous voyez pas, je balance ma chaise avec mon chat dans les bras, puis comme ouais! C'est ça, Audrey a 8 ans. T'aurais pas dû le dire. Tax. Audrey est vraiment gelée présentement parce qu'elle a pris des pilules vraiment trop fortes. Je veux juste dormir. Hey, j'ai le goût d'étirer. Hey, le pire, c'est que les critiques à Audrey, c'est deux critiques de film, sont juste à la fin. Oh, con, j'ai tout le temps d'aller faire un dodo. Non, on va se faire du fun. Chantou, viens me sauver. Mon amour, viens pas me sauver. Pas tout. Viens, t'as mon chantou, bébé. Oh, ouais. C'était pas Charlie, c'était pas Robert, ton chat, ou Georges. Non, c'est ou... Chantal. Ok, ouais, c'est ça, Chantal. Chantal, le bébé. J'étais loin, hein? Robert. Le petit Robert. Chantal, mon bébé, il y a Phoebe, puis il y a mon amour. Hey, c'est fun d'envoyer une bouteille de Windex sur Twitch de tantôt. Ouais, puis Pat, tu me donnes encore une bouteille de mousseux. Il est sortilège. Depuis quand le sortilège, man? J'avais pas, mais... Windex... Je faisais juste une petite... T'es Audrey, du Windex, c'est mousseux. T'inquiète, Pat, c'est Chantal. Ouais, c'est qui à la caméra. Je regarde pas les caméras en ce moment, je regarde mon courriel parce que je sais que moi et puis Cédric, on va parler de deux CD de musique. Ouais. On parle de ça, ce show-là? Ben, il est parti depuis une demi-heure. Ah, pour de vrai? Ouais. J'ai pas mis l'intro parce que je trouve que notre conversation sur Charlie Hebdo était très intéressante. Ouais, ben, je te l'ai dit, j'espère que t'enregistres tout parce que, oui, je te dis tout le temps, nos conversations sont toujours intéressantes. Ouais, je sais ça. J'enregistre tout le temps tout aussi. Sauf les après-shows. Ouais, ça, je me garde ça pour nous autres. Ouais, ben, il y en a certains, comme. Il y en a certains que je te dirais qui sont très intéressants, mais c'est mieux de les garder dans nos têtes. Ben, les après-shows en 10h et 10h30 sont mieux de ne pas être écoutés, puis ça en 10h30 puis minuit sont mieux d'être vraiment effacés eux autres. Oh, man, oui. Mettons que c'est... En tout cas, on n'en manquera pas, mais j'en connais certains qui aimeraient souvent ça payer 5$ pour une conversation entre 10h30 et minuit. Sais-tu qu'est-ce qu'on pourrait faire, par exemple? Quoi? Hein? Mettons, pour 5$ par mois, là, t'as le droit de venir faire une chronique, c'est d'un jeu que t'achètes, là, oui. Sur le podcast, une fois dans ce mois-là, dans le fond. On va faire un brainstorming, moi, il n'y a pas de problème. Mais après ça, on en reparlera, gang. Garde, t'as une option... Non, mais garde, sur Patreon, t'as... l'option de... tu peux payer pour le visionnement, un peu comme un pay-per-view. Ouais, mais non, ça c'est... Non, ben, je peux mettre le pre-show pour 50 cents ou l'after-show pour 50 cents. Non, il y a, là, y a un after-show qu'on est mieux de pas écouter. On a de la misère à voir du monde, on va pas commencer à y faire payer. Tu sais pas, peut-être qu'il y a du monde qui serait prêt à payer pour les after-shows et non pas pour les pre-shows. Ben, moi, c'est ça, ça allait proposer. C'est sacré, ça. Ben non, mais tu le proposes comme genre, il vient faire un podcast avec nous, grand complet. Ouais, mais c'est ça. C'est comme une fois par mois, ben, on choisit quelqu'un dans le pot, puis il peut faire partie du podcast. Il y a certaines personnes que même s'ils paieraient 50$, j'aimerais mieux pas les voir sur le podcast. Ah bah! Non, mais tu fais un tirage, là, tu tires dans le pot. Mm-hmm. On va faire, fais-moi confiance, je vais faire pas exprès pour piger certains noms. Voyons, ok. On continue! Attends, ça suffit le bitchage à soir! J'ai pas bitché personne! Ah! Oh. C'est juste que fais-moi confiance. Alex, peux-tu le battre à ma place? Ah non, c'est vrai, c'est moi qui est plus proche. Je m'en viens. Je suis non-violent. Ah oh, oui, toi, t'es non-violent. Moi, je suis violent. Je suis Charlie. Oh. Hey, en passant, tout le monde, je voudrais qu'on fait une bonne main d'applaudissement à Cédric, s'il vous plaît. Bravo! Pourquoi? Parce je sais pas que encore pourquoi. Ben, pour tout son bon travail qu'il fait depuis qu'il est avec nous autres. Eh oui. Sérieusement, j'ai beaucoup de respect pour lui. Il a beaucoup progressé malgré tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a fait avec lui. Je les garde encore en tête. Cédric, Cédric, inside joke entre nous autres, quand tu écris que vous commandez de la Domino Pizza dans tes textes, moi je veux le savoir. On se comprend? Ouais, ouais, ouais, ouais. Merci. Hey, ça, c'est de la bonne radio. Ah oui, des insights. Ça, là! Incroyable. C'est de la quality. Non, non, ce qui... Référence à mon dernier article. Ben oui, c'est ben ça. Oui. Allez lire ça sur le site de... Attends, ça, je m'en allais te dire, là. Un moment donné, il va être réactif. Bon. Sinon, je vais me tanner. Je vais mettre alpha42.blogspot.ca puis je vais payer quelqu'un, là, parce que... Normalement, c'est pas parce qu'il est pas bon, c'est juste que, tu sais, il y a un sideline assez serré, là. Fait que, puis il fait son possible au prix qu'on le paye. Bon! Hey, monsieur Sid! On va y aller en première critique, on va y aller. Hey boy, je me demande comment qu'on va faire. Maxime Auguste. Oui, tu l'as, Maxime Auguste. Ben là, j'espère que je l'ai. Non, parce que des fois, tu bafouillement, en tout cas. Hey, tout le monde, on efface nos applaudissements. Hey, non. C'était une super bonne blague. Hey, merci beaucoup. Bon, mais pour dire que Maxime Auguste, un auteur-compositeur-interprète qui est montréalais, qui est d'origine madeleine, qui veut dire des îles de la Madeleine. Madeleine, pour ceux qui savent, les auditeurs qui savent pas, que les îles de la Madeleine, il me semble, c'est loin de Montréal, ça, me semble. Mais en tout cas. Ben, assez loin. Ouais, assez loin, hein, c'est ça. Mais premièrement, c'est un album à saveur que je pourrais dire country mélangé avec du blues, qui s'inspire, il l'a dit lui-même, mais il s'inspire des ruelles de la métropole montréalaise et des grands espaces. Là, si vous voulez vous intéresser aux paroles, c'est de ça qu'il s'inspire un peu, mais pas mal, je dirais. C'est complètement différent, c'est très drôle. Mais tu passes à Montréal, tu veux-tu dire le parking? Non, mais en général, à Montréal, qu'est-ce qui se passe et tout, dans les ruelles et tout. Mais personnellement, c'est pas mon album que je mettrais dans mon iPod parce que c'est pas vraiment mon genre de musique que je préfère le plus. Là. T'es pas tout seul. Hein? T'es pas tout seul. T'es pas tout seul, mais ok. Mais pour ceux, les accrus qui nous écoutent et qui aiment le mélange entre le country et le blues, vous allez l'apprécier. Puis dans l'extrait qu'on va vous présenter. Dans pas long, il lancera son album le 14 janvier où je m'en rappelle plus du nom déjà, Gansler, me semble, si je me rappelle bien, sous Saint-Hubert, à Montréal, dans une formule 5 à 7. L'extrait que vous entendez, c'est Dallas, Texas. Vous allez remarquer, on dirait les vieux interprètes. Les interprètes des débuts des années 2000, que la voix et la musique se suivaient pas, là. Je vais vous monter l'extrait de Dallas, Texas. Vous allez voir tout de suite de quoi que je parle, là. Oui. Que les chamans du highway se préparent pour le grand serment. Qu'on sorte la coiffe du grand chef, son collier en dents de serpent. Qu'on chauffe le coudron et les lunes pour tous ceux qui pensent autrement. Je sais pas si vous comprenez ce que je vous dis, là, mais on dirait un interprète du début des années 2000, là, comme qu'on en avait 1000, là. 90-2000, là, mon oncle Serge puis les colocs, mais... Ouais. En tout cas. Mais ça me revient, c'est au Gainsler, sur Saint-Hubert. Bon. Fait que c'est pas mal ça. Ouais. Bon. Next! On y va avec Summerland. Ouais, Summerland, que c'est un album, que c'est le projet solo d'une femme qui s'appelle Hélène Morin. Elle avait lancé son album EP il y a 2 ans, en 2013. Mais pour dire cet album-là, moi, je trouve qu'il y a, il y a beaucoup de mélange indie électro avec un mélange de sonorité qui est pas mal lourd. parce que quand vous allez entendre les sonorités dans les tunes, vous allez entendre que c'est pas mal lourd, je dirais. Mais sur un style rose bonbon. Parce que il y a des fois des... Je sais pas comment on peut expliquer ça. C'est difficile un peu à expliquer, mais je me comprends. Désolé pour tout le monde. T'inquiète, t'es pas de ça qui se comprend. Moi et tout, je te comprends. Mais ma chanson préférée de l'album, c'est la première. Le rythme, je l'ai en tête, même si je l'ai écouté depuis aujourd'hui, dans le fond, un matin. Ben moi, c'est au vol que je vais essayer de faire démarrer à un moment donné. Puis sous les qu'on vous présente, elle lancera son premier album complet en intégral à Orange ou Saint-Laurent, Montréal, le 21 janvier prochain à 20h. On y va avec l'extrait au vol. Puis, c'était-tu nous autres qui étaient dans le champ ou on était dedans? Honnêtement... Pour moi, c'est ma préférée, celle-là, mais il y a du monde qui ça peut préférer sur d'autres chansons. Mais c'est pas vraiment mon genre de musique. Non, mais il y a d'autres tunes qui sont bonnes aussi. Il y a des tunes où est-ce qu'ils rock plus, là? Parce que moi, l'album que j'attends, qui reste un de mes albums de l'année, c'est Fall Out Boy. Fait qu'on s'entend-tu que ça donne à peu près mon genre? Le 20 janvier! Ah, j'ai tellement hâte. Bon, on dirait que ça sonne pas du rock commercial, mais du rock qu'on peut sentir les sonorités qui n'étaient pas au début de Fall Out Boy, je trouve. De quoi tu parles, de Fall Out Boy ou ça? Ouais, le dernier album de Fall Out Boy que tu viens de parler, là, que t'as hâte. Ah, oh, j'ai hâte. Écoute, ça va être bon. Non, mais honnêtement, bof, ça m'appelle pas, là. Il faudrait peut-être que j'entende tout l'album, là, mais... Ou ouais, t'es pas obligé. Ouais, il faudrait... Peut-être, mais sinon, moi, honnêtement, quelqu'un qui est là... On dirait qu'il chante pas, on dirait qu'il parle, maudite affaire. Hey, je veux juste savoir... Attends, Patrick, mais Stromae, il chantait pas, il parlait, puis c'était bon. Hein? Oui, mais Stromae, ses textes sont extrêmement intelligents. Ouais. Là, vous entendez la musique, hein? Ouais. Là, l'entendez-vous? Ouais. Non, c'est pas supposé. OK, c'est beau. Désolé. C'est va être tout pour toi? Oui, ça va être tout pour moi. Merci beaucoup. Mais ça fait plaisir. Bon, là, c'est moi qui vais y aller en jeu vidéo. Attendez, là, j'ai-tu compris, là? c'est moi qui vais en jeu vidéo, là. Ouais, et? Ouais. Non, c'est juste que je suis comme surpris, là. C'est moi qui vais en jeu. Ben, je l'ai dit, mon jeu, que je vais parler. J'en parle juste la semaine prochaine. Ouais, je sais, mais t'en as pas cette semaine, c'est ça qui est surprenant. Oui, mais c'est parce que j'ai pas eu 30 000 tant de jeux que ça. Non, c'est que c'est pas ça, c'est que moi je parle de jeux, toi tu parles de films. D'habitude, c'est le contraire. Ouais, je sais, la contraire. Semaine prochaine, j'ai des jeux. Je suis en train d'en faire un pour une critique, justement, là. T'es en train d'en faire deux, là. Hein? T'es en train d'en faire deux. Non, ben, il y en a un qui est sur le hold, sa PS Vita, puis l'autre, je suis en train de jouer présentement. Là. OK. Là, tu joues en ce moment? Ouais. Ça me dérange pas. Ouais, OK. Merci, monsieur. Je suis pas mort, là. Ah oui, puis il sait très bien, ça. C'est même pas méchamment. Il me l'avait déjà dit, Audrey, qu'est-ce que tu fais? Je joue à Zelda Wind Waker. T'arrêtes. Ouais. C'est un heure que j'ai du respect, c'est bien ce gars-là. Puis ça, c'est vrai, j'ai beaucoup de respect. C'est une machine à écrire, le gars. Ah, Dom, c'est un amour. C'est une machine à écrire pour son site, sérieux. Bon. Moi, je vous parle d'un premier jeu, Funk of Titans. C'est un petit jeu indépendant développé par le studio Our Crown of Monsters. C'est un platformer, c'est sur Xbox One. Il est en ce moment disponible pour environ 8,99$. Il est en exclusivité en plus. Il est sorti le 8 janvier dernier. On est dans le domaine des dieux. Zeus, le grand Zeus en personne, nous demande à nous, Perseus, désolé, qui est tout d'un coup un noir des années 70 qui aime un peu trop le funk. Oui, d'où il est funky. Oui, d'où le nom, d'où le thème Funk of the Titan. Et qui nous dit, regarde, on est envahi par le rap, le rock et le pop. Et ton but, c'est de faire ramener le funk dans l'univers. Alors, tu vas traverser un monde qui ressemble beaucoup à pas 50 avant Jésus-Christ, mais c'est sûr, bien avant, époque romaine. Et ton but, c'est d'accumuler les vinyles, un peu comme les anneaux puis les monnaies dans Mario Bros et dans Sonic. Et ton but, c'est de traverser les niveaux comme un side-scroller bien normal qu'on connaît, mais avec une petite touche cartoon. Je vous invite à aller voir les vidéos sur YouTube et sur Internet. J'avais fait un Twitch hier, mais sérieusement, c'est là qu'on embarque dans le « Patrick n'a pas aimé le jeu ». Mais c'est pas que le jeu n'a pas un système intéressant. C'est juste comme... T'es dans une date, t'es avec la fille la plus cute au monde. T'es au resto, toi tu te dis, je vais me commander une salade pour pas être mal propre devant elle. Puis elle se commande le hamburger 8 étages. C'est le contraire. Tu sais, là, t'es avec Kate Upton. Puis tu te dis, elle va se commander une salade, voyons donc. Puis elle se commande le hamburger, mon gars. Puis ça dégoûte sur son visage. C'est la même affaire pour Funk of the Titan. Ouais, je sais. Il y en a qui aiment ça, mais il y en a qui n'aiment pas ça. Fais-moi confiance, Cédric, pour un gars qui a cruisé beaucoup dans sa vie, qui a eu beaucoup d'échecs. Fais-moi confiance, une fille qui arrive avec un hamburger, ça m'est déjà arrivé. Un hamburger au resto, puis ça dégoûte tout son visage, ça turn off. C'est la même chose. Le jeu, le problème, c'est qu'il avance continuellement. OK. Tu peux pas arrêter, tu peux pas revenir en arrière, tu peux pas... Le personnage avance tout le temps. J'avoue, ça rajoute un problème technique. C'est une innovation, de parenthèse, qui peuvent être intéressants. Il y en a dans Mario 3, il y en a des tableaux qui avancent tout le temps. Oui, je sais, Mario 3. Je pense Rayman Run, c'est un jeu exclusivement comme ça. Max et Lizu m'en avaient fait une trollée de liste. Et c'est comme... Sérieusement, je suis la seule personne sur Terre qui pourrait mourir à Mario Bros 1. Ben non. Il y a plein de monde qui meurt à Mario Bros 1. Il est dur, ce jeu-là. Là. Et... Pat, je confirme, les enfants meurent à Mario Bros 1. Là. Come on, en 15 ans. Là. Bon. Et tout ça pour dire, juste à cause de cet handicap-là, et que je suis mort extrêmement trop souvent en jouant au jeu... J'ai comme vraiment décroché. C'est sûr que si le jeu n'aurait pas eu ce système-là, ça aurait fait comme bon un autre platformer comme qu'on envoie 75 millions par année par les compagnies indépendantes, parce que les compagnies indépendantes ne savent que faire que ça, des platformers, on dirait. Mais non, parce que ça coûte pas cher. Ben, c'est parce que dans deux, c'est ça. Mais dans deux, trois ans, ça va être genre, ils vont faire des jeux platform adventure, genre à la Mario 64. Ouais, je sais. Regardez, j'ai rien contre les jeux indépendants, OK? Mais... Non, il dit que t'as quelque chose contre les jeux indépendants. Non, j'ai rien contre les jeux indépendants. C'est juste que ça vient tellement jamais me chercher. On dirait que... Bon, si je l'avais refilé à Mathieu, peut-être qu'il l'aurait aimé. Mais j'avais besoin d'un jeu pour tester Twitch hier. Mm-hmm. Et les autres fois aussi que j'ai essayé de jouer avec. Si vous voulez un challenge, c'est un platformer qui va sortir de toutes les platformers que les jeux indépendants nous ont offert. Fine, sautez dessus, vous allez peut-être plus apprécier que ça. Moi, je suis garanti. Mais moi, j'ai pas aimé ça parce que c'est cet handicap-là qui n'aime pas me chercher. Pourtant, le graphisme est bon. La musique, mm-hmm. c'est le fun, c'est du funk. Ouais. Y a une touche d'humour, c'est intéressant. Mais le fait que vraiment cet handicap-là, moi, ça venait gâcher toute mon expérience de jeu. C'est ça qui était dommage. Il y a quelque chose qui scelle un peu. Ouais, hein? Oubliez le son, s'il vous plaît. Ouais, mais... Je sais, mais garde... Non, mais c'est pas ça, c'est parce qu'il est high pitch. Garde, c'est-tu mieux? Ouais. Bon. Ah, Monsieur Mathieu! Ouais. Ça fait... Mais ça me fait longtemps qu'il est sorti, ce jeu-là. Ouais, ben, ça fait un bout qu'il est sorti. Sauf que, comme refait le jeu au complet... comme que je prédis, c'est qu'ils ont pas mal changé de la manière que la map était construite. La map reste similaire, sauf de la manière qu'ils l'ont codée, ça fait que la map peut avoir beaucoup plus que ce qu'il appelle des entités. Donc plus de personnages, plus de maisons, plus de constructions au fond de toute la map. Sans nécessairement faire soit crasher le serveur ou que le jeu soit injouable à cause d'un problème de frame rate. Fait qu'en même temps, ils ont comme fait une. On parle de quel jeu? On parle de Rust, ouais. Ok. Ouais, de Rust. Parce que ça, au fond, c'est que Rust, c'est un jeu de survie en multiplayer seulement. La première version qui était sortie, c'est en décembre 2013. Où est-ce que il y avait mis un update à un moment donné, c'était justement qu'il y avait comme des zombies, donc ça ressemblait un petit peu à War Z, mais c'est qu'en même temps, il fallait que tu mines, que tu ponges du bois, que tu fasses ta propre maison, un peu comme si on prenait un peu comme Minecraft, mais c'est un jeu vraiment en 3D, mm-hmm. Avec quand même des beaux graphiques, là. Sauf que l'affaire aussi, c'est que c'est pas juste jouer contre les zombies dans l'ancienne version, c'est jouer aussi contre les joueurs, parce que les joueurs peuvent détruire ta maison, même si tu mets, mettons, un lock à ta porte, ils peuvent détruire tes murs, puis tout venir te voler puis te tuer, parce qu'au fond, quand tu te déconnectes, ton bonhomme reste quoi ce que t'es. Il fait comme juste dormir. Okay. Fait que n'importe qui peut venir tout voler ton... que c'est que t'as, puis ton avancement, son prédé, parce que le bonhomme, il n'y a pas d'expérience, il n'y a pas de niveau ni rien. Mettons, avec... Tu vas prendre 100 bois dessus un arbre, tu vas pouvoir te faire du papier. Avec le papier, ça va te permettre de construire un plan de maison. Puis à partir de là, avec le bois que tu vas ramasser, tu vas pouvoir bâtir ta maison. Fait, si, mettons, quelqu'un vient, puis il détruit tout, puis il tue en même temps, ben tu recommences à zéro. OK, ouais. Oh, okay. Puis c'est une sorte de post-apocalyptique, si on pourrait dire un peu. Il n'y a comme plus rien. Toi, tu te réveilles sur la plage, toute nue, puis tu as une roche dans la main seulement. Puis au fond, à partir de là, justement, tu bûches du bois, puis tu vas chercher de la pierre, puis tu essaies de te faire des meilleurs outils pour pouvoir ramasser tes matériaux plus vite. Là, justement, par contre, il n'y a pas trop longtemps, j'ai pas la date exacte, mais ils ont refait le jeu. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui étaient déjà dans le jeu, qui n'est plus dans le jeu. Mettons, il n'y a plus de zombies à l'intérieur. La nourriture, puis l'eau, il n'affecte plus ton joueur. Il est là, mais ils l'ont pas encore codé, donc c'est pas encore effectif. Le jeu est encore en Early Access. Ça fait longtemps qu'il est en Early Access, hein? Depuis décembre 2013 qu'il est en Early Access. Ça commence à être un gros problème, cette affaire-là, hein, parce que j'ai su puis j'ai vu des affaires là, comme Zombie versus Zombie Infestation. Ouais, quelque chose comme ça, là. Ça, c'est genre The War Z qui a changé de nom par après à cause des problèmes. Zombie versus Spartan. En tout cas, quelque chose comme ça. En tout cas, j'ai vu des affaires là, filtrées par Early Access. Puis je me dis, Steam, là, vous commencez à avoir un problème. Là, ben beau encourager les jeux indépendants. Mais à un moment donné, mettez une limite. Là, comme il y a le jeu super violent là, qui a été banni par Steam, par exemple. Ça, ils l'ont remis le lendemain. Hein. T'es-tu sérieux? Ouais. Tu sais de quoi que je parle? Là, l'affaire là, avec le bat de baseball. Disturbed, quelque chose en même. Ouais, c'est ça. Ça s'appelle, là. C'était dégueu. Là. Ils l'ont enlevé sur Steam puis ils l'ont mis sur leur site à eux. Il est revenu. C'est pas parce que t'as pas. Au moins le jeu était jouable là, comparé à d'autres. Ouais. Parce que ça c'était pas un early access, me semble. C'était un jeu que t'achetais d'attitude. Personnellement, Steam commence à dépendre avec early access. Ben moi, quand j'ai les jeux indépendants. Mais ouais, c'est qu'il y a des fois, c'est qu'on dirait que les early access. sont vraiment trop early. Tu sais, c'est quasiment comme si tu ferais pas jouer dedans les maps que tu en Matrix. Tout là. Tout que... C'est ça. Ouais, mais parce que early access pour du monde, ça veut dire comme le premier build. Là, c'est... Ouais, mais c'est... Non, mais c'est le premier build justement parce que Rust est en alpha. Alpha, c'est avant même le bêta. Ah oh, ouais, non, mais attends, le premier build, alpha, c'est pas pareil. Minecraft au moins a été le... en alpha pendant genre 2-3 ans. Oui, au moins, les bêta, c'est que t'as quand même la majorité du jeu qui est là. T'as au moins les cores sont toutes là. Ouais. Alpha, t'as plein de choses qui manquent. T'as même pas, au fond, les cores du gameplay, t'sais. Je vais te donner un exemple, là. Blizzard, leur brawler, là, leur hero brawler, là. Oh. Hero of the Storm, il a été en technical alpha pendant un an. Puis je pense qu'il l'est encore. Il vient d'être en bêta. Ça fait pas longtemps. Il est en bêta fermé, là. Ok, ben ça fait pas longtemps, là. Ça fait peut-être écoute, deux mois. Là. Puis le alpha, pour vrai, ça jouait super bien. Là. Fait que puis, ça dépend des compagnies. Ça fait un an qu'il est en alpha. C'est, là. C'est justement, c'est, ça dépend à quel degré du alpha qui sont rendus ou quand même qui ont travaillé dessus. Ouais, ouais. Ben, les early access, c'est plus que du alpha pour certains jeux. Ah. Des fois, écoute, pour vrai, il y en a un, il n'y avait même pas de collision sur les murs encore. Non, mais c'est ça. Ils c'est te vendent des... ça, là, ils te le vendent. Là, il n'est oui, pas gratuit. Là. C'est que, moi, c'est ce qui me fait peur avec les early access, ça, c'est que ça devient comme Android. Là. Le nombre de jeux de crap qu'il y a sur Android, là. Ben oui. Flappy Bird, Flappy Bird 2.0, Flappy Bird 3.0, oh, Super Bird, Mario Bird, Turtle Bird, Fish Bird. Mais c'est pas juste ça non plus. Ben, Fish Bird, ouais, Flappy Fish plutôt, là, Flappy Mario. Mais en tout cas, comprenez ce que je veux emmener. Là. Tu sais, c'est aussi, c'est juste que c'est rendu que des fois, tu vas acheter quelque chose en Early Access, puis soit que ça aboutira jamais, ou que ça va prendre comme des années avant d'avoir quelque chose qui est moyen, puis finalement, tu vas faire, ben finalement, j'ai Half-Life jamais 3? Joué. Là. Ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, justement, au moins, Rust, c'est que. Qu'est-ce qu'ils ont rejeté? C'est qu'ils ont changé les graphiques, ils l'ont augmenté un peu au niveau du graphisme. Puis, tu sais, ils ont, mettons, rejeté au fond que tu puisses nager, ils ont rejeté le UI qui est plus fluide. Tu peux looter, tu peux faire des meilleurs weapons. Ils ont quand même racheté du stock. Wow. Mais il y a d'autres affaires qui ont perdu en fait dans ça à cause qu'ils ont refait le jeu au complet. Fait que tu sais, c'est quand même un jeu qui est quand même le fun, mais c'est que des fois, c'est qu'il y a encore un problème des jeux PC en ce moment. Pas toutes, là. Sauf que justement, Rust, il y a un petit problème là-dessus, c'est les hackers. Là. Qu'est-ce que c'est comme des fois, c'est que tu fais ta maison, tu as pris peut-être 5-6 heures à te barricader comme ça se peut pas, puis que tu dis, ok, ben moi, s'il faut que je me défonce moi-même, ça va me prendre, mettons, 2-3 heures avant de venir me tuer. Là. Puis là, t'as quelqu'un qui arrive, puis que soit qui détruit ton mur en un coup, ou qui passe à travers ton mur, qui te tue, puis qui ressort. Là. Oh, ouais. T'sais, il y a encore ce problème-là, puis ils ont même justement dit que Rust, ils vont travailler dessus le jeu en tant que tel, puis ils vont pas fixer les hacks tout de suite. Ils vont attendre de finir le jeu avant de fixer tout ça. Parce qu'ils ont pas assez de main-d'œuvre, si on pourrait dire, pour faire ça, ce qu'ils disent. Mais sauf que ça fait que le monde qui joue les alpha, qui sont là, au fond, pour tester leur jeu, t'sais, parce qu'au fond, c'est ça quand même un early access, puis que les bêta puis les alpha, c'est que t'as du monde qui joue au jeu pour découvrir les bugs, pour qu'eux puissent les arranger. Mais ça va juste faire que le jeu va mourir à cause justement qu'il va y avoir trop d'hackers ou que les serveurs ne sont pas assez stables ou whatever. Ouais, à force d'attendre. Puis ouais, le jeu va juste mourir. En... T'sais, c'est juste ça qui est plate en ce moment du ouais. Rust. Là. Mm. Ça va être tout pour toi? T'as d'autres informations? Non, ça va être tout. Ça va être tout? My God, on fait ça vite à soir. Ben, moi, j'avais une question. Dans le fond, si... S'il patch rien, là, pis que le monde lâche tout, qu'est-ce qui va arriver? Le jeu va mourir ça, de lui-même, pis. Le jeu, ouais. Fait que ton argent est dans le limbo pour le restant de tes jours, il y a ah, pas moyen ben d'avoir un remboursement. Ben, c'est justement c'est ça qui est problème avec les early access des fois, là. Mais c'est pas correct! Ouais, c'est non, ça mais que moi, ma question est. Quand t'achètes un early access, ils te le disent que ça se peut que le jeu se finisse jamais, pis ça va dépendre si le monde aime ça, pis blablabla. Bla, bla. Fait, mais il y a du monde qui se sont fait voler des 60$ pour des early access. Il y a des ouais. jeux qui valent très cher. Là. Au moins, mettons, Rush, t'achètes avec un problème avec ça. Ben, c'est mettons, bien beau mettons, de dire que c'est un early access. Un early quand, access quand, mais... quand Minecraft, parce que Minecraft, c'est le premier qui a marché. Okay? Quand t'as acheté Minecraft, là, genre, il n'y a pas grand chose à faire. Puis eux autres, ils promettaient des affaires. On va faire des biomes, on va faire des telles affaires, on va faire telle autre affaire. Mais. Genre, il te promettait ça, puis il disait que ça allait être gratuit, mais en même temps, s'il l'avait jamais fait, tout le monde aurait haï ce jeu-là, tu sais. Tandis que Minecraft, ils ont bien fait ça. Fait que, tu sais, ça dépend de la team. Ça dépend de l'équipe, ça dépend. Il y a beaucoup de monde qui voit ça comme faire un early access, qui connaissent un peu faire du codage, puis qui font c'est une façon facile de faire de l'argent, mais faire le gros cash, puis après ça, m'aller faire d'autres choses, puis je vais m'en calisser. Là. C'est encore là, c'est que faut pas mettre tout le monde dans le même bateau non plus, là, mais non, c'est quand même un problème qui est apparu à cause de l'early access. Là. C'est ce que je trouve un peu ordinaire. C'est pour ça que je mets pas d'argent là-dedans. Moi, parce je trouve que c'est un moyen de se faire voler. Tu sais, par exemple, souvent les bêtas, avant, dans le temps, quand il n'y avait pas les early access ou des affaires de même, des alpha payantes ou whatever, c'est des closets de bêta qui te laissaient jouer au jeu en bêta. Tu sais, puis ils donnaient des clés. Mettons, il y avait 1000 ou 10 000 clés. Il y en a encore qui font ça. Fait que là, tu n'avais pas le jeu, mais tu pouvais jouer au jeu, avoir un aperçu du jeu, pouvoir jouer au jeu avant tout le monde, puis découvrir les bugs ou juste jouer au jeu pour avoir du fun. Puis après ça, il sortait en version complète que là, il le vendait, puis là, tu l'achètes si tu l'aimais ou t'es whatever. C'est ça, je me pose la question. Depuis quand qu'on aime ça, se faire fourrer de même à ce point-là? Parce que, pour vrai, il y a bien des gamers que c'est la nouveauté qui trippe. Tu sais, pourquoi qu'il y a encore du monde qui vont acheter des jeux Day One puis qui se font fourrer de 70$ avant que ça se fasse patcher trois semaines après? Ouais, je me suis longtemps posé la question. Tu peux faire des pré-achats à Star sur Xbox Live, là? Ben c'est ça, fait arrêtez de précommander les jeux, surtout tu sais aux États-Unis, je comprends là, Walmart tu vas en recevoir 90. Attendons, tu sais, attends que les critiques sortent des fois quand t'es pas sûr. On va s'entendre là, les jeux de Nintendo, les jeux de Blizzard sont pas mal tout le temps, tu sais, ils ont des problèmes de serveur. Ben c'est ça, mais tu sais quand ça sortit, il y avait des bugs. Il y a des problèmes de serveur, mais au moins le jeu il est là, tu sais. Tu sais, les jeux de Nintendo, mettons, là, t'es sûr qu'ils vont en avoir une hostie de trollée au Walmart, puis ils vont en avoir dans eBay Games, puis ils vont en avoir partout. Si tu veux les précommander, il n'y a pas de problème. Normalement, eux autres font bien ça. Tu sais, normalement, genre 99% du temps. Ou encore là, des fois, c'est que t'as des jeux que tu as pu voir, mettons, dans d'autres langues qui n'ont pas encore été localisés ici ou genre en Amérique. Fait que tu sais quand même c'est quoi le jeu, fait que là t'es quand même correct de le précommander, tu sais que le jeu il marche, tu sais c'est quoi, puis tu sais. Ouais, aussi. Des fois, c'est juste que les jeux. Je te donne un exemple, Monster Hunter, là. Au Japon, là, c'est fou les précommandes, là. Puis. Audrey, je sais pas si on pourra m'aider, là, mais il y a un jeu au Japon en ce moment, c'est la folie furieuse pour Nintendo. Puis le jeu, il a pas sorti aux États-Unis, puis il sortira comme jamais parce que c'est tellement pas notre genre de jeu. C'est un pseudo. C'est le jeu de puzzle, dragon et truc bin Mario, là? Non, pas ça. C'est un genre de bonhomme avec un petit chat et un petit chien, là. C'est comme une espèce de. Le nouveau Pokémon du Japon, là. Yuki Deki Koki Koko 2, là. Ah, je me rappelle plus du nom. Mais dans le fond, c'est comme le. Ouais, mais c'est ça. Myriam est en train d'essayer de m'aider, mais c'est ça, c'est que c'est le jeu qui s'est plus vendu que Pokémon cette année au Japon, pis t'es comme, what the fuck, mais ouais, ça sortira jamais. Ouais, c'est Y. Non. Non, c'est pas Alpha puis Omega qui s'est vendu le plus. C'est un autre jeu, je me rappelle plus du titre. Écoute! Ils en ont parlé sur Kotaku cette semaine, justement. Le jeu s'est vendu, je pense, à des millions de copies. C'est le jeu qui a le plus vendu pendant le temps des fêtes au Japon, là. Pis tu sais même pas c'est quoi, toi. Pis même moi, pis personne ne sait c'est quoi en Amérique du Nord. Mais au Japon, c'est la folie furieuse. Pis écoute, dans le top 10, là. Exclusivité Japon. Oh ouais, dans le top 10, là, c'est que le jeu, il a sorti sur la Wii U, pis sur la 3DS. Dans le top 10, les 4 jeux, c'est ça. Parce c'est que le 1. Yo-Kai Watch 2. Ouais, parce que je pense que c'est ça, parce que le 2 puis le 1, il a recommencé avant quand le 2 a sorti sur les deux versions. Ah, ça, c'est OK Watch 2. Ouais, ben c'est ça. Fait que dans le top 10, là, les 4 des 5 premières positions, là, c'est les 4 jeux. Le 1 puis le 2 dans les deux versions. Les préventes, si c'est pour les articles de collection, je comprends. Mais quand c'est le jeu normal, là. Ouais. Ben, tu sais, surtout, c'est ça. Premièrement, digital, là, pour vrai, tu penses qu'il n'y en aura plus. Tu sais, puis je suis la première personne à dire ça, puis après ça, de précommander World of Warcraft, tu sais. Oui, mais tu sais, en tout cas, je sais que ça va marcher. Puis, mais je veux dire, surtout, en tout cas, attendez. Il y a quelque chose, par exemple, que je suis pour le early, pour la pré-vente pour les jeux virtuel, c'est que si tu donnes le droit au téléchargement avant la sortie. Pensant à Mathieu, t'as raison, c'est Yo-Kai Watch. Ben, c'est ça. Que c'est comme... Puis en deuxième position, c'est Dragon Quest Monster 2. Après, t'as Kirby Triple Deluxe. Mario Kart 8. Pokémon X et Y, et non, c'est même pas l'autre. C'est Puzzle and Dragon Z, mais qui ont annoncé qu'elle allait avoir la version avec Mario. Mais ça, je suis pas mal sûr qu'on l'aura jamais. Puis pourtant, ça serait le genre de jeu qu'on va tout triper. Mario Party Island en 7ème position, Knack en 8ème, et un jeu Knack. De Gundam. Ouais. What the fuck? En 8ème, en 9ème, Gundam Extreme versus Full Boost. Ça m'étonne presque pas. Puis en 9ème position, puis en 10ème position, Dark Souls 2. Alors, je pense est-ce que tu connais ça, Alex? Hein? Knack? Non, mais c'est parce que c'est genre... C'est tellement pas japonais, là. Ben, pas rien que ça, c'est parce que c'est un des pires jeux qui ont sorti au début de la console. Ouais, ouais, au lancement direct, c'était assez clair. Ben oui. Écoute, j'étais allé au lancement de la PS... c'est pas vrai, de la Xbox One pour... puis je posais la question si le monde y allait acheter Knack en même temps pour rire. Puis tout le monde qui connaissait le jeu était comme, premièrement, était comme, ben non, c'est sur PS4. Puis deux, puis moi, je riais ben gros. J'étais comme, ah ah ah! Puis, genre, le monde disait, de toute façon, c'est un jeu de merde. OK, mais je suis en train de lire sur, justement, Yo-Kai Watch. Il faut pas que ça sorte ici, c'est, oublie ça, je suis fini. Je vais tellement jouer à ça, moi. Parce que c'est un jeu que t'as une montre dans la vraie vie aussi, puis que tu peux aller chercher des petites bébites, puis tout ça, puis oh my god, oublie ça, c'est tellement écrit Audrey Burel pour moi, là. Non, mais je parle de Knack ou d'un autre jeu. Non, Yo-Kai Watch. Non, Knack, je vais te le dire tout de suite, là. Don't give a shit. Puis moi, Knack est la raison pourquoi j'ai une Xbox One. Bon! C'est vrai? Mais non. C'est ben la raison pour... Ben non, hey, OneDrive est une des premières raisons pourquoi j'ai une Xbox One, puis ça, je le mens pas. Hey, je veux m'excuser, je me suis fourré ben raide. Yellow Jacket, c'est le méchant dans Ant-Man. Ah! Ben tu vois, j'ai... Fait que t'avais... Ben premièrement, t'avais raison, puis deuxièmement, j'étais un épais. Mais... Tout est dit. Parce que ce que j'ai l'impression, c'est... d'après moi, là, ils ont eu... comme il y a eu une version que mettons il battait puis tout puis genre Hank Pym devenait Yellow Jacket puis ça m'a comme mêlé là. Mais Alex, ça arrive tout le temps. Alex, Spider-Man pendant genre un an et demi c'était Dr. Octopus. C'est ça. Garde. J'ai trop souvent rêvé que la version de Sam Raimi puis la version avec Andrew Garfield faisaient un match-up ensemble. Le temps d'un film chez Sony pour dire non regarde. Disney, tu veux nous récupérer la licence? On va te scraper ça d'aplomb. Tu sais, fait que... Bon, là, c'est le temps de me faire déranger. Okay. Non, c'est que, tu sais, c'est... Il est 9h, il est même pas couché. Il a fait de l'over, lui, aujourd'hui. Il a fait de l'over. Ouais, c'est ça, quel fun. Non, parce que là... Il a fait de l'overtime. Non, c'est sûr que c'est illégal au Canada. Il faire travailler ses enfants? Ben non, franchement, come on, dans quel monde tu vis? Non, c'est... Je vais travailler sur l'aide du gouvernement, c'est 16 ans. Pas... Hey boy. J'ai commencé à travailler à 14 ans, moi. Ouais, c'est ça, moi. La table, j'ai plus... Non, mais la loi, c'est 16 pour ça. T'avais pas tes 4 à 14 ans, Audrey? Non, mais en fait, j'ai vraiment commencé à travailler. C'est illégal. J'ai vraiment commencé à travailler à 15 ans. Ah ouais, moi, t'es T4. J'ai plus mes T4 depuis le temps, calé. Non, c'est que pour moi, j'ai commencé à travailler un mois avant que j'aille 16 ans. Fait que c'est ça, non, c'est que pour expliquer, c'est que d'habitude, à Zachary, à 10h, à 8h, il est couché. Et là, il était 9h, puis il était pas couché. Et il a commencé une nouvelle tradition, lui. Depuis à peu près quelques temps, il veut toujours son câlin et son bisou. Puis s'il l'a pas, il fait « Je suis triste ». Tu sais, il y a « Je suis Groot », mais lui, c'est « Je suis triste ». « Je m'appelle Groot ». Ah oui, Groot. Je être triste, c'est ça? Ouais, c'est ça. Fait que, ouais. En tout cas, fait que c'est pas mal ça que ça. Fait que... Bon, on y va maintenant. Dans la deuxième... Bat, hein? Je être triste. On y va maintenant à ma deuxième critique de jeu. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe avec des jeux? Ouais, c'est ça, c'est qu'est-ce qui se passe. Pendant le temps des fêtes, j'ai eu la chance d'essayer de Frima Studio, petit studio québécois. Petit studio. En passant, le documentaire à DocuD, là, ça puis des somnifères, même effet. De quoi tu parles? OK, avez-vous... Okay. Nous autres, on a vraiment eu un temps avec moi de... Mais moi, j'avais vu ton tweet, Pat, là-dessus. Là. Ah, non, c'est que en parlant de Frima Studio, Segway, j'ai écouté le documentaire La Revanche des jeux vidéo à Canal D. Ah, OK, il y avait un documentaire. Oh, mon Dieu! Okay. La première demi-heure, c'était correct. Okay. On parlait d'une ingénieure foresterie qui a changé de domaine. Ça peut être bon. On parlait de Patrick Mercier qui avait travaillé sur Prince of Persia et Assassin's Creed. Ça peut être bon. Les simulateurs de vol, ça peut être bon. Les simulateurs de pompiers, OK. Mais quand ça fait 6 jeux qui nous présentent éducatifs et que la fille qui fait l'entremède fait semblant de jouer à un pseudo-jeu sorti de Myst mélangé avec Tomb Raider que le graphisme est dégueulasse et que la fille fait juste appuyer sur Enter pour jouer à son jeu, j'embarque pas. Ah, mais tu sais pourquoi? Pourquoi? Mm-hmm. C'est parce que c'est pas pour nous autres. Justement, on n'a pas parlé du e-sport. Ouais. Ben oui, mais là, Pat. Attends! Pat, c'est dans un canal qui vont te parler d'affaires de ma tante. C'est Canal D, là. C'est pas, Canal D, oui, c'est mais pour les, on n'a pas modèles. Parlé. On n'a pas parlé. Canal D, là, ils passent encore des numéros de 1995. Penses-tu qu'ils sont à jour dans leurs jeux vidéo? L'autre jour, j'ai vu un numéro quand j'étais chez ma mère, puis Martin et Matt avaient des cheveux. Ben... C'est vieux, là. J'en avais vu un autre dans le même numéro. Maxime Martin aussi avait des cheveux. J'étais comme... Oh, mais, tout ça pour venir. Pas, on n'a pas parlé du e-sport. On n'a pas parlé de la... tu sais, j'aurais aimé ça. Tu sais, un documentaire, tu peux le faire sur un an, là. T'aurais pu, genre, la journée de la fusillade, là. Tu sais, t'appelles Denis Talbot, là, un an avant, là. Regarde, Denis, on va faire un documentaire sur les jeux vidéo dans l'année. Ouais. Oui, mais attends, c'est... Non, mais admettons... Je peux-tu placer ma ligne quelque part? Jamais! Tu sais, t'appelles Denis... Pendant l'année du documentaire, regarde, Denis, on fait un documentaire. La journée, c'est sûr qu'il va en envoyer une. La journée qu'il va y avoir une fusillade et que tu vas te faire appeler par les médias, on peut-tu te suivre? Denis, je suis sûr qu'il aurait dit oui, c'est pour un documentaire sur les jeux vidéo, t'expliques. J'aurais aimé ça! Qu'on suit Denis pendant une journée. Quelle fusillade? Je comprends pas ce que Admettons qu'il y a une fusillade. Ouais. Okay, mais pourquoi? Là, OK, non, OK. On va y aller avec le principe. Je vais essayer d'expliquer mieux que Pat. Admettons qu'on décide de prendre... C'est que je suis sûr que tout le monde a compris. Non. Laisse faire, monsieur capitaine des As côté France, là. Laisse Audrey expliquer. C'est que, admettons, on prend quelques personnalités de l'univers des jeux vidéo, ou des programmeurs, tout ça, ou même Denis Talbot, on va dire, admettons, comme un exemple. Puis on dit, hey, on va vous suivre pendant un an de temps. Toute la gang. Mais là, s'il arrive, admettons, un événement genre un kid tout sommaire parce qu'il a joué à Grand Theft Auto. Ben, tu vas pouvoir voir les opinions de tout le monde pour faire comprendre aux autres qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que nous, on pense? Oui, mais c'est à quel point avoir un regard vu de l'intérieur, pas de genre Denis Lévesque de « Oh mon Dieu! » Oui, mais c'est que ça aurait été le fun aussi, un peu de ce que tu viens de dire, mais genre, on suit Denis qui doit aller débattre de ce point-là. Et probablement que c'est ça qui arrive. C'est toutes les affaires des débats, genre, je me rappelle trop... Là, j'aurais le droit d'en parler parce que, en tout cas, RDI, quand Stéphanie Harvey a passé, puis qu'ils ont dit, oh, hein, je croyais, moi, c'était juste des garçons qui jouent aux jeux vidéo. Et ma Stéphanie. Des garçons, ouais. Ben oui, mais Pat, parce que ça dépend à qui tu t'adresses. Si tu penses que Canal D s'adressait à nous autres, en partant. Oui, mais c'est justement. C'est justement, c'était là le. C'était, on aurait pu aller rejoindre monsieur et madame tout le monde, puis leur expliquer, regarde, le e-sport. Colin, il y a $1 million la finale de Smite. 1 million, gars. Mais le monde s'en sac de ça, Pat, s'en tabarnouche pour vrai, là. Vraiment, là. Le monde, là, comme mes parents, là, ils sont sacrifiés. Écoute Canal D, là, pour voir du monde qui se font pas pogner par la police pendant 3 épisodes, puis après ça, ils se font pogner par la police. Regarde, c'est pas que ce documentaire-là, excuse-moi, qu'on va faire qu'ils vont s'en sacrer moins. Ben oui, mais ils essayent d'expliquer des concepts qui sont déjà super difficiles à comprendre, base, même pour nous autres, puis ils mettent au plus simple. Je veux dire, juste le fait qu'eux autres, ils font « Ah, fait que les jeux vidéo peuvent nous apprendre des affaires », genre, pour eux autres, c'est déjà quelque chose, là. Fait que t'imagines? Oui, mais il va encore avoir le même préjugé que Grand Theft Auto emmène la violence. Eh oui, Pat. Oui. Depuis toujours, c'est ça, puis ça va être toujours ça. Oui, je sais. Mais Pat, t'as pas besoin. On va changer. On va changer les rôles de Grand Theft Auto. Mettons qu'il n'y a pas de Grand Theft Auto, ça va être Call of Duty. Ça va être la même affaire, tu sais. Eh ouais, puis enlève Call of Duty, ça va être d'autres choses. Mais puis oui, ça va être Zelda, puis enlève ça, ça va être Mario Bros. Ben oui, puis je me rappelle des années 90, Virginie Larivière qui voulait qu'on récupère toutes nos G.I. Joe pour faire une statue de la paix à Montréal parce que sa sœur s'est fait agresser sexuellement par un gars dans un... Je me rappelle de cette histoire-là. Oui, comme... Ça avait rapport avec les bonhommes, c'est sûr et certain. Il va toujours avoir de quoi. Il va sortir de quoi, là, dans 3 ans, là, ça va être la réalité virtuelle, là, puis le monde va dire « Ah, parce que le monde sont dans la réalité virtuelle, puis du monde, là, fait que comme c'est sûr qu'ils vont le faire dans la vraie vie. » Tu parles de l'Oculus Rift, ça va sortir cet été, apparemment. Non, mais je parle dans 3 ans. Mais regarde. En fait, ça prend tout le temps, genre, 5 ans aux médias avant de pogner de toute façon, m'a dit comme un mème que j'ai lu pendant le temps des fêtes, ben oui, on sait bien, Guy Turcotte est un maniaque de Call of Duty, tu sais. Ouais, c'est ça, exactement. Hey boy. Guy Turcotte jouait à Call of Duty comme un malade, on le sait bien, ouais, non. Puis Magnolia joue à Pokémon sur sa 3DS. Hein, pour de vrai? Mais moi, il y a quelque chose qui m'énerve. Non, je sais pas, pour de vrai, je voulais ma 3DS. Mais moi, ce qui m'énerve, c'est l'exemple du monde qui dit, moi, je suis un gamer, je joue à Call of Duty, mais juste à ça. Voyons, t'es pas un vrai gamer si tu joues juste à ça. Il y a pas de vrai, puis... Non, mais je veux dire, si tu me dis que t'es un sportif pis tu fais rien que du soccer, t'es-tu pas un sportif parce que tu fais rien que du soccer? Mettons, t'aimes juste le soccer. Merci, Alex. T'es un sportif Alex. Pareil. Ouais, je comprends. C'est le principe que moi, excuse-moi, je vais dire que je suis sportive, mais je faisais du sport quand j'avais 8 ans. Ouais, mais là, on y va avec la même logique. Là, t'es plus sportif. Ouais, mais c'est juste que rendu là, c'est comme juste dire les. Tu sais, c'est comme t'as différentes sortes de gamers, différentes sortes de sportifs. T'as des personnes qui sont peut-être plus polyvalentes que d'autres, là. Ouais, je comprends la référence. Selon moi, tu sais, il n'y a pas une seule sorte de gamer, il n'y a pas une seule sorte. Tu sais, quand tu dis, oui, moi, je suis quelqu'un qui est très cultivé, mais je suis cultivé juste sur les BD de Garfield. Mais tant qu'à ça, oui, il est cultivé, mais très cultivé sur les BD de Garfield, tu sais. Mais t'as des gamers qui sont des fans de Nintendo, des gamers qui sont comme pro Sony, des gamers qui sont comme pro Microsoft, whatever. Écoute, je toucherai probablement jamais à un shooter. Je suis un gamer pareil, tu sais. Fait que tu peux mettre ça à l'envers, là. Mais t'es plus gamer qu'en MMO, mettons. C'est... Ouais, c'est ça. Exactement. Non, mais moi, je voulais dire juste un jeu et non une série ou un mais genre de jeu. Seb, t'as pas de temps parce que, regarde, j'en connais, moi, là, pis un bras pis une jambe, là. Le seul et unique jeu qu'ils jouent à chaque année, c'est soit Call of Duty, soit NHL, soit League of Legends, soit Dota. Mais moi, je me suis fait pogner l'autre fois. J'ai des amis qui commencent à me dire « Ah, on joue à Destiny, on fait des raids dans Destiny, nanana. » Je fais « Chris, c'est bien hot. » Ah ouais, puis t'as-tu entendu parler, nanana, d'Assassin's Creed? Genre, les fucks qu'il y a eu. De quoi tu parles? Ben, les Assassin's Creed, là. Ben non. OK. Ben t'as-tu hâte que tel jeu sorte? Hein? Ça sort, ouais. Ça va sortir cette année? Non. Puis ils sont. Regarde, ils sont fous. C'est juste à Destiny, mais c'est des gamers pareils. Ouais. Puis ils le savent pas le reste, puis c'est pas grave. T'as pas besoin. Tu sais, t'as pas besoin de. Ben, OK. Ça, c'est rare, ça arrive, là, mais je m'en disais, t'as pas besoin de jouer au soccer. T'as pas besoin d'écouter le soccer pour jouer au soccer, mais c'est rare, ça arrive. Mais tu sais, non, mais Alex, c'est à peu près le même principe que moi. Tu sais, je joue rarement des first-person shooters, mais tu sais, c'est pas tout le monde qui. Tu sais, moi, je vais toujours jouer à des JRPG, mais tu sais, c'est pas de moi quelqu'un qui est moins gamer qu'un autre, tu sais. C'est juste que ça revient à m'emmener, comme tu dis, c'est. Comment je peux dire? C'est juste que tu sais, mettons, t'sais, tu games Myriam, à Call of Duty. Mettons, mon ami Myriam, elle joue tout le temps. Elle joue tout le temps au jeu de combat, ça fait pas elle une fausse gamer, tu sais. Bon, OK, ouais, mais attendez, là. Attendez. Martin voulait dire de quoi? Mettez-moi pas dans la catégorie des gamers Candy Crush puis les jeux de Facebook, par exemple. Ah, attends une minute. Non, ça, c'est pas pareil. C'est, non, c'est le monde qui aime pas s'ennuyer. OK. Tu sais, si à chaque fois que t'es sur ton sel puis tu fais « Ah, oh, je vais aller dépenser 5 minutes sur Candy Crush », t'es pas un gamer, t'aimes juste pas ça t'ennuyer. Puis je veux dire, moi, je fais la même affaire, sauf que moi, je vais voir des sites de nouvelles, puis je vais voir des sites de nouvelles de jeux vidéo ou des image boards ou whatever, là. Mm. C'est juste que à la place de rien faire, tu fais quelque chose. C'est pas grave. Bon. Ouais, je comprends ce que... Mais à moins, vraiment, là, tu joues à tous les jours à Candy Crush pendant 7 heures de temps, là. Mais ça serait abusé, ben là. Ouais, là, t'as un problème. Non, ça s'appelle ma... ça s'appelle ma mère, ça. Bon, ben, regarde. Bon. OK, hey, on va essayer d'y aller parce qu'Audrey, elle a quand même deux critiques de films. De toute façon, je vais faire ça vite, ma critique de jeu, parce qu'on en a déjà parlé dans le passé. Frima Studio m'ont donné la chance d'essayer pendant le temps des fêtes la version Wii U de Chariot. On en avait déjà fait la critique pendant l'année. Je ne reviendrai pas sur l'histoire trop. J'avais la version Wii U. C'est intéressant. On retrouve le même pattern de ce qu'on a retrouvé sur les autres versions. J'ai eu, par exemple, des confirmations aujourd'hui. C'est ce que je trouve dommage, par exemple, la version de Chariot sur la Wii U. Vu qu'il est sorti après, je me disais, oh, on va sûrement avoir la map, on va sûrement avoir quelque chose avec le gamepad. On n'a rien de plus. Le seul truc qui est vraiment de plus avec Chariot, parce que Chariot, le pattern fonctionne. Le but, c'est de tirer un chariot dans les niveaux, de ramasser de l'or, et ainsi de suite. Bon. Le pattern de toujours traîner le chariot, tu sais, tantôt, je disais Funk of the Titan, s'il n'y avait pas l'aspect de toujours avancer, le jeu serait un bon side-scroller bien normal. Puis bon, peut-être que ça viendrait gâcher le jeu. Chariot, encore là, c'est un side-scroller bien normal, sauf que le pattern, cette fois-ci, c'est d'avoir le chariot toujours avec nous. C'est sûr que chaque fois qu'on a une nouvelle difficulté avec le chariot, on l'apprend par une carte. Bon, ben là, maintenant, ton chariot, tu dois l'emmener à cette place-là. Tu fais ces combinaisons de boutons-là et tu l'emmènes. C'est bon, c'est correct. Le jeu, c'est sûr que c'est le fun parce que tu peux le jouer et vacher sur ton divan, sur la gamepad. Super le fun. T'es pas obligé de jouer sur ta grosse manette. On s'entend, c'est un side-scroller. Mais comme j'ai dit, la seule difficulté, on n'a rien sur la gamepad. Ça aurait été le fun. C'est ça. Ou je comprends, ça aurait coûté plus cher et tout. La seule affaire, c'est que je me dis, moi, dans ma tête, c'est rien qu'on Frima Studio, là. Je comprends, c'est un petit studio indépendant, un petit studio québécois, c'est le fun. Les gars font tout le temps des bons jeux. Ils n'ont jamais rien fait de mauvais. Puis Chariot, il est vraiment bon, là. C'est vraiment un bon jeu. Sauf que moi, je me demande dans ma tête. Puis là, de toute façon, n'importe quoi que je dis, je me fais tirer des roches. J'ai-tu juste entendu, genre, au loin, tabarnak? J'ai rien dit. J'ai pas dit ça. Mais je me dis, si vous étiez supposé nous offrir ça 6 mois après toutes les autres versions, pourquoi vous ne l'avez pas fait en même temps? Y a-tu quelque chose sur la Wii U qui fait que le jeu sort 6 mois après toutes les autres versions, mais que vous donnez la même chose? Est-ce que c'est vraiment un dépassement de coût? Parce que tant qu'à offre... C'est sûr que tu te dis, regarde, il n'y a pas de jeu sur la Wii U. Ben, il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas de jeu sur la Wii U. Mm-hmm. Fait qu'on va en profiter. On va offrir un jeu qu'on est sûr qu'il va sortir. Si ça va bien marcher, le jeu, tu en as entendu parler. Puis au moins, ça va te faire un jeu sur la Wii U. Je sais pas si on prend la phrase ou ce que je vais emmener. Tu sais, mais moi, je suis un indépendant. Je me dis, je vais sortir mon jeu sur la Wii U. Au moins, tu sais, ça va te dire, hey, il y a des jeux sur la Wii U. C'est quoi encore le titre du jeu ou juste? C'est Chariot. Ils ont dû faire un portage des versions console vers la. De PS4, PS3 et tout, vers, mettons, la Wii U, puis on fait juste un portage directement. Ouais, c'est ça. Sans faire de retravail dessus. Mais tu sais, encore là, c'est que c'est un petit studio, ça leur a pris 6 mois à faire ça, mais t'as d'autres jeux qu'ils font, mettons, des portages de console à l'ordinateur, ou mettons, des versions PS4 tu sais, mettons des jeux de PS4 ou whatever, qui vont faire un portage sur le PC, puis les deux, c'est des architectures x86, fait que si les deux, c'est sensiblement la même chose, c'est quand même proche, fait que les portages sont plus faciles. Ça va leur prendre comme plus que 6 mois faire le portage. Fait que, non, là, je sais bien, je sais pas bien. Vraiment comment ils font, comment ça marche en tant que tel, faire un portage, là, mais c'est peut-être quelque chose, justement, comme tu dis, le travail qu'il a fallu qu'il fasse pour que le rendre compatible avec la Wii U ou quelque chose. Je sais bien. On s'entend, le Magni Number 9, là, il va sortir sur la Wii U quand il va sortir, à un moment donné, je commence à avoir hâte, là. C'est comme, me semble, c'est comme, ça ferait 4 ans là, qu'on avait financé le jeu, mais ça fait peut-être 3 mois. Là. Ça fait peut-être un an et demi qu'on a financé le jeu. Ouais, c'est ça. Je commence... C'est une chance parce qu'il faut en quelque part qu'il fasse le jeu. Ouais, je sais, mais tu sais, là, t'es d'accord avec moi, il va sortir la Wii U. Là. Ah, il va sortir sa Wii U. C'est comme je me dis, c'est quoi qui bloque les compagnies dépendantes quand ils sortent? Il n'y a pas assez de marché, il n'y a pas assez de bassins de monde. Ouais, il n'y a pas de marché. Ouais. Moi, je me dis. Part de marché, c'est ça. Si tu n'as pas de monde pour acheter sur ta console, ils ne font pas de jeu. Ah, ben, je me dis... Et la publicité aussi. Moi, je me dis. Faire parler. Oui, mais moi, je me dis, Colin, je suis un indépendant, je sors mon jeu sur la Wii U. Je vais quand même dire, hey, garde-toi là, que tu as acheté ta Wii U, là. Puis tu te dis, hey, il n'y a pas de jeu. Non, non, garde, moi, je pense à toi. Mais si j'en vends juste 6, au moins je vais montrer que, regarde, la Wii U peut avoir des jeux, je sais pas. Du potentiel. C'est ça. Tu sais. Mais là, c'est quand là, justement, c'est comme qu'il disait, c'est la part du marché et puis tout. Tu sais, si veux-tu prendre le risque, comme il y a des jeux qui sortent encore sur PS3, qui sortent même pas sur PS4, que les développeurs ont dit, on va le sortir justement sur PS3 à cause qu'il n'y a pas encore assez de personnes pour. Les JRPG de NES America. Ok. Ouais. Fait que, ils sortent comme de suite certaines consoles où ils sortent pas, où ils attendent de sortir pour faire comme un gros boom. Hey, je pense qu'il y a eu FIFA 2015 sur la PlayStation 2 là. Ben 2014, je pense, c'était le dernier jeu PS2 FIFA qui est sorti. Quand même, hein. Ah, regarde. Le dernier jeu sorti genre en 2014, c'est comme oh boy. C'est fou là, ils ont étiré la sauce. Hey, je me rappelle NHL, je pense qu'il avait sorti 2007 sur la PlayStation 1 là. Essaye pas de le trouver, là, mais regarde, là, je pense que c'est un Maiden qui avait sorti, là, 2007 sur la PlayStation 1, là. Bon, mademoiselle Audrey. Oui, on va commencer par The Book of Life, parce que l'autre, je vais le garder en dernier. On va garder le meilleur pour la fin. Hey, j'aurais pas pu dire le titre? Non, tu peux pas, parce que je voulais pas que tu me fasses. C'est ça, tu voulais pas. Bonne chance. Le père, tu vas tellement essayer de me tuer. Ah ouais, vas-y avec ton petit film d'animation. Ah, oh, ok, d'accord. Tu sais, le film que je tiens à vous dire que c'est le plus underrated de 2014. Où vous avez trouvé que Frozen était bon, ben, excusez-moi, puis qu'il était sublime au niveau de la technologie, puis que tout l'art visuel était incroyable, ben, excusez, mais allez vous rhabiller parce que The Book of Life, la légende de Manolo. Ah, et boy, c'est mon goal. Attends, là. Je parle bien à la fille que pendant 12 mois, nous a chialé après que Frozen était le meilleur film d'animation de tous les temps de Disney, là. C'est le meilleur film. Non, honnêtement, en ayant réécouté Big Hero 6, je te dirais que niveau tune, c'est dans les meilleurs films, mais Big Hero 6 passe totalement au-dessus de Frozen. C'était-tu bon, ce film-là? Tabard. Je l'ai pas encore vu. Va voir. Ben, il est vraiment... whatever, là, je sais plus. Ah, ben, il va sortir bientôt sur Xbox Vidéo. Vraiment, wow. The Book of Life, c'est-tu la légende de Manolo en français? Oui. Elle vient de le dire. J'avais pas compris. Donc, c'est réalisé par... Puis tu vas les mystères de Selena bientôt. Ah, oh, tabarnak. Pour vrai, genre, tantôt, j'étais comme, m'a chanté un tune de Random. Hey, laisse faire, il y aura personne. Tu vas savoir de quoi je parle. Non, je le savais. Hey, le pire, c'est qu'il rejoue des épisodes, hein, sur le nouveau. Sur le la nouveau... chaîne Uni. Ouais. Ouais. Tu ouais. Vrai? Oui. Ouais. Hey, c'était bon, pour vrai. Ben, c'était pas tous les comédiens qui étaient bons, là. Mais en tout cas, l'émission, non. C'était pas pire, pour vrai. C'était pas pire. J'en ai écouté un dans le temps. C'était des mieux que Radio Enfer, en tout cas. Non, mais il y a des épisodes où est-ce que t'es là, puis là, tu vois Mina faire... Oh, mon Dieu! Puis là, ça fait comme une espèce de transition, tu sais, genre dans leur imagination. Puis c'était comme une affaire avec des femmes de caverne. Puis là, il est à moi, hein? Ouais. Là, je suis comme... ok, qu'est-ce que je viens de voir là? Puis là, après, il y en a un autre qui signe tout le temps du nez, puis à chaque fois qu'il dit automatique, puis je suis comme... Je suis vraiment restée assise, puis celle-là... Qu'est-ce que j'ai regardé là pendant tout ce temps-là? C'était excellent! Oh my god! Puis on a tous genre 35 ans. Ouais, genre. Un peu comme Vrai que la vie. Des ouais, étudiants. Non, Vrai que la vie, c'est malade mental, là, pour vrai. Ouais. Comment que ça se peut pas qu'il y ait cet âge-là, là. Ah, non, Ramdam, au moins, il essayait. Non, non, moi, c'est Dominique Sion. J'ai vu un épisode avec Dominique Sion qui fait un concierge. Ok, dans quelle émission ça rappelle? Vrac la vie. Ah oui, ok. Okay. En parlant de Vrac TV, là, je sais que ça n'a aucun rapport, mais hey, c'est drôle, toutes les liens, je vais la faire, Joseph va les faire. C'est moi ou Vrac TV, la seule station de télé qui n'a pas dérougi de son mandat. Musique Plus présente plus de musique. Z Télé présente plus de science-fiction. Canal D. Ne présente plus de documents. Ouais, non, il représente oui, des documents. Pas ouais, c'est ça. Là, j'étais là, Vrac TV, ils ont jamais dévié. Puis ils ont même. Il y a la nouveauté Vrac 2 aussi. Puis ils font même beaucoup plus d'émissions maison qu'avant, là. C'est vrai. Mais... Il y a aussi Télétoon qui ne dirigent pas de ce qu'ils sont supposés être. Beaucoup de cartoons à la base. Ouais, mais. Ouais. Télétoon, il y a comme beaucoup d'animations. Comme de d'autres pays, mais ils sont bons aussi. Il y en a beaucoup du Canada, tu sais. C'est ça, mais tu sais, quand comparé même, ça s'appelle Télétoon. C'est ouais, supposé c'est ça. Être. Ah non, c'est parfait. C'est parfait. Tu sais, t'as pas d'émission en live action, là. À part il y en a déjà eu, puis fais-moi confiance. Il y en a déjà eu, des affaires, des preuves, là, puis ça a été retiré tout de suite, là. Ah ouais, le monde s'en sacre. C'est ça, parce qu'à la base, c'est supposé être Télétoon. Hmm. Ouais, ouais. Mais moi, j'avais vu Tank Girl à Télétoon. J'avais commencé à écouter Sekoura à cause de Télétoon. Ça, c'est pas spé. Okay. Quand ils nous montrent des films adaptés de bandes dessinées et de dessins animés, ça, je l'assume. Moi, je connaissais pas Tank Girl, pas en tout. Je n'avais entendu parler, puis c'est vraiment meilleur que ce que le monde y disait. ben oui, mais là, c'est kitsch japonais au bout, là. Ah ouais, puis badass, mais en même temps. Ben oui! Tu sais, puis c'est pas caché, là, Robert Rodriguez, quand il a fait, Colin, un des Greenhouse, il l'a pas caché, il s'est inspiré de Tangirl, là. Ben oui. Vous avez parlé de télé, ça va être quelque chose en 2015, le monde de la télévision, là. Oh, Radio-Canada et toute la gang. Ben, Radio-Canada, il y a 19-2, puis... Ben, je parle surtout des coupeurs, là, Radio-Canada. Ah, plutôt. Ok, moi, je parlais des bonnes émissions qui s'en venaient. Ouais, c'est Grimoire aussi, oui. Ben, le problème avec 19-2, c'est que ça va sûrement être la dernière saison. Pourquoi? Parce qu'à cause des coupeurs. Ben, pas nécessairement. Puis c'est Grimoire, ils sont en train de faire 19-2 au Canada anglais. C'est... Fait qu'il y en ont de l'argent, là. Je pense que ça va être la dernière. Ben, l'affaire, c'est que c'est ça. Ma soeur, elle me dit comme... a dit, il y a une de ses amies, justement, qui a pu aller au visionnement de presse, là, mm-hmm. parce qu'elle travaille pour la presse, puis son amie est sortie de là, a vu comme deux épisodes, elle est sortie de là, elle en braillait. <T'es> comme... J'étais comme, ok, encore une autre fois que je vais écouter, à chaque épisode, je vais brailler ma vie. C'est que le 19-2 de Bravo et le 19-2 de Radio-Canada, c'est tellement pas la même affaire. Ben, c'est... Mais il l'avait dit, mais il me semble que c'était pas la même affaire. Ah non! C'est ça, mais c'est adapté, là, c'est parce que c'est pas le même problème. C'est que, regarde, je donne le premier cue tout de suite, là, parce que j'en ai écouté avec Josiane, là. Mm-hmm. Dans un des épisodes, il y avait Claude Rogot et Réal Bossé qui se faisaient accuser à tort d'avoir tiré sur quelqu'un, un témoin. Okay. Et finalement, il avait réussi à prouver que c'était un gun à... Hey non, attends une minute, là. T'es-tu en train de me conter des spoilers de cette saison-ci? Non. Okay. Non, c'est... La première saison, là. Ok. J'étais comme, non, tu me dis pas ça, là. Non, c'est avant que, bon... Réal Bossé, Claude Legault sont accusés à tort d'avoir tiré sur un témoin à charge. Et finalement, l'enquête voyait que c'était un cloueur à clou automatique qui avait tiré finalement. Fait, tu sais, ça c'était le pattern de l'histoire. Mm-hmm. Dans la version anglaise, les deux partners finalement ont vraiment tiré sur le témoin à charge. Ok. Ben, c'est correct, c'est deux émissions différentes aussi. Hein. Ouais, mais faut pas que ça soit aussi du copier-coller. Non, j'avoue, il y a des... Sinon, on fait juste le traduire. Non, non, j'avoue, il y a des fois... Non, les traductions, fais-moi confiance, du français en anglais, c'est dégueulasse. Ben, c'est ça que je te dis. Tant qu'à ça, traduis-les. Non, non, j'avoue, il y a des fois, il y a des émissions... Il y a des films, là, comme vraiment trop... Colin, j'ai des titres dans la tête que je pourrais te shooter, Cédric, là, des films, des remakes américains adaptés de France, là, que c'est vraiment là, mot pour mot, phrase pour phrase, ligne pour ligne, là, le remake, là, c'est fou. Là. Starbucks, meilleur exemple. Starbucks, c'était pas bon, me semble. Oui, mais la version américaine, là, avec... La version américaine, me semble que c'était... Avec Vince Vaughn, là. Non, mais attends... Les versions américaines, c'est tout le temps moins bon. Ouais, je sais, mais celui-là... Dîner de con, là, c'est un des pires films de remake qui ont sorti, puis Dîner de con, c'est un des meilleurs films que la France a sorti. Oui, je sais, puis encore aujourd'hui, je pense que on se rappelle encore plus de ce film-là que bien d'autres films français. Mais vas-y, Audrey, avec A Book of Life. OK, donc, on revient de loin, Chris. C'est ça, Alpha 42. Maintenant, si vous aimez, allez sur Patreon. Donnez 5$ pour le pauvre petit cerveau d'Audrey qui a de la misère à rouler aujourd'hui. Oh, man. Et Audrey va vous donner... avec 5$, Audrey va vous donner un coke. OK. Dans le fond... Oh, man. Moi, puis les hosties de non, excusez, mexicains ou hispaniques, Pat, t'es pourri pour dire de l'anglais, mais laisse-moi dire que l'hispanique, là... Hey, je sais, regarde, je pense que c'est pas américain, ce film-là, fait que, casse pas la tête, là, c'est un film d'animation de chez Fox. Ben, c'est un film d'animation, justement, de chez Fox, qui est produit par Guillermo del Toro. Donc, vous vous attendez que les noms... La réalisation et le scénario sont de George... C'est de Guillermo del Toro? C'est de la production Guillermo del Toro, et réalisé par George... Ah, oh man, son nom de famille. Non, regarde, oublie les noms de famille, là, mais je trouvais que ça... Non, parce que c'est la production, la réalisation, puis le scénario, c'est un autre doute. Ouais, mais regarde, oublie les doudis-doudous, là. Asti, tu m'énerves. Laisse-moi non faire ma critique comme je veux, maudit imbécile. Non! Colique. C'est un film d'animation en papier mâché, là. Non, il est pas en papier mâché. Non. Fait que... Donc, les acteurs principaux sont Diego Luna, Zoe Saldana et Channing Tatum. OK, bon, on va dire cet enfant-là. c'est sorti en 2014. Il est à veille de sortir en DVD, mais il est en sortant en pré-release sur les canaux de distribution du style Xbox One ou PS3 ou PS4 et tout ça. Fait que merci. Ou d'une autre façon, mais ça, c'est si ça vous tente de pas payer. Au Mexique... À chaque année, le 16 novembre, c'est la journée des morts. Si vous ne savez pas c'est où ou c'est quand, mais vous êtes des hosties d'imbéciles. Bon. non, mais c'est ça. Il y a la journée de la journée où est-ce qu'on honore nos morts. Et l'histoire nous raconte que, dans le fond, je vais essayer d'aller avec l'histoire la plus simple. C'est juste des enfants qui vont visiter un musée. Ah! Oui, je sais c'est quel film, ça avait l'air super bon. C'est ça, c'est des enfants qui vont visiter un musée, puis là, la fille, elle arrive, elle leur dit: ça va être là spécial, vous autres, je vais vous montrer le livre de la vie, The Book of Life. Puis, ça raconte une légende, la légende de Manolo. L'histoire de Manolo, que à chaque 16 novembre, les morts qui sont... Il y a deux types de monde. Le monde des oubliés, que si ta famille ne se rappelle plus de toi, tu tombes dans le monde des oubliés, puis tu disparais. Et t'as le monde de ceux qui sont... Le monde des morts, où est-ce que toutes les familles qui pensent encore à toi, ben c'est toujours la fête, la fiesta, puis le 16 novembre, tu peux aller revoir ta famille puis être auprès d'eux. Ah, oh, ça me dit quoi, là? Puis c'est ça, c'est un film en animation, mais tous les personnages qui sont dans cette histoire-là sont comme fait, c'était des marionnettes en bois. Il y a tellement de détails. Le visuel est fou, là. Moi, je suis comme, je regarde ce film-là, puis je suis comme, wow! Mais c'est ça, l'histoire comme telle, c'est juste que la Muerte, qui est la reine du royaume des morts, parce que c'est toujours comme la fête et la fiesta, et Xibalba, qui est le roi du royaume des oubliés, elle et lui font un pari. Deux petits gars, Joaquin et Manolo, qui se battront pour le cœur de la belle Maria, et lequel qui vont se marier avec elle, ben, s'il y en a un... S'il y en a un qui se marie, si Manolo marie avec Maria, ben, la Muerte reste reine du royaume des morts heureux et tout ça, et l'autre reste dans son trou perdu de tristesse, on va dire, parce que c'est vraiment triste, là. Et si c'est l'inverse, ben on inverse les rôles, ma grande. Et là, suit toute l'histoire que Maria s'en va et les deux, ils grandissent. Puis c'est un film, vous devez vous attendre, premièrement, qu'il y a de la musique. Mais la musique est crissement bonne. Okay. La musique est bonne. Mais ce film-là, je sais qu'il a été tourné autant en anglais et en espagnol. Donc, je crois que c'est ça, tous les acteurs, ou presque, à part Channing Tatum puis Zoe Saldana, là, l'acteur principal est un espagnol. C'est un hispano-américain, fait que t'es comme, waouh! C'est tellement bon, ce film-là. L'histoire, c'est capable de gager ce qui va se passer. Elle va revenir, Maria, puis là, Manolo, il va tout faire pour avoir son cœur. Mais là, Xibalba va tout faire en sorte que de tricher, puis là, Manolo va mourir, puis... Oh, mon Dieu! Puis Simon pis Thomas, eux autres! Hein? Simon pis Thomas, eux autres! Simon pis Thomas. Oh. Il est revenu dans Ramdam, là. C'est ça n'a pas rapport... Je pensais à ça aussi, en plus, le pays. En passant, il n'y a pas d'intrigue. De... Oh, mon Dieu! Tu vas faire... Ouais, j'ai un gros bouton! Oh, il y a... Ouais, ils l'ont mais là, j'aimerais ça lui donner à mon échange de cadeaux une photo de moi, comme ça il va savoir que je trippe dessus. Parce que c'est vraiment une intrigue. Oui, oui, je m'en rappelle. Mais c'est ça, le film, c'est tu l'écoutes, okay, l'histoire est un petit peu oubliable, mais t'écoutes ça parce que le visuel est sublime. Le visuel est bon, l'histoire est... Tu t'attends à la fin déjà, là, qu'on s'entende, vécu heureux, il y a beaucoup d'enfants, là. Oh. Et c'est juste que c'est pour le visuel, les tunes, c'est tellement bon comme film, juste pour ça. Au moins, si vous êtes pas sûr, le louer, ça vaut la peine, il est à veille de sortir, il sort à la fin. S'il sort pas à la fin de ce mois-ci, il sort au début février, puis c'est vraiment un beau film. C'est quand je dis qu'il est underrated, il va sûrement gagner des prix juste pour l'animation, parce qu'il y a du détail puis de l'amour qui a été porté dans ce film-là. Tant mieux. Beaucoup d'amour. Les nominations sont jeudi, hein? Ouais, ben c'est ça, j'ai hâte de voir. J'espère que ça va gagner des prix. Oh. C'est jeudi qu'on le sait si je connais rien au cinéma, moi. Ah, si tu connais rien au cinéma. Ouais, puis c'est ça. Ben c'est un bon film. Non, gâche. On s'est fait dire que. Vu qu'on. Ta gueule. Non. Je. Non, gâche. Avec moi? Plusieurs personnes en général m'ont dit qu'on connaissait rien au cinéma parce qu'on n'avait pas mis Anne Dorval dans les meilleures actrices. Garde. J'ai pas vu Mamie. Garde. Moi, je me rappelle le seul top 5 que j'ai entendu parler à Alpha 42, c'est quand on a fait le top 5 des plus belles filles au Québec. Fait que... Oh ouais, mais il y avait aussi une vieille poudre au Québec. Puis qu'on... Oui, mais je te parle de quand on a fait nos poubelles. Le top 5 des plus laides. Et qu'on avait dit que Mommy, c'était un film d'école, là. Tu l'avais dit. Ah ouais. C'est bon, très carré comme image. Et il y a une affaire, c'est que tu peux pas mettre dans un top un film que t'as pas vu, tu sais. Non, je regrette aujourd'hui de pas avoir mis Book of Life parce que je l'avais pas vu. C'est pas ça. C'est que moi, ce que j'ai dit aussi, c'est que. Et j'avais dit sur Twitter à bien du monde parce que du monde disait ah, c'est impossible qu'elle soit pas Golden Globe. Non. Moi, j'avais dit écoutez. Anne Dorval sera même pas aux Oscars. Là, je t'aurais dit, regarde, Leonardo DiCaprio a jamais été aux Oscars. C'est tu penses... Pareil. Ouais, c'est pas pareil. Excuse-moi, là, mais on parle d'un des acteurs qu'un des meilleurs réalisateurs de tous les temps a dépensé... Ben, il est plus connu à l'échelle internationale que Anne Dorval. Ouais, je sais, attends, ben... Leonardo DiCaprio, c'est pas pareil. Pourquoi il sera jamais aux Oscars? C'est parce qu'il s'est pogné avec le monde des Oscars. Je sais, mais tu penses sérieusement que Anne Dorval va être en nomination pour meilleure actrice jeudi? Sérieusement? Au Golden Globe? Non. Jeudi, les nominations des Oscars sortent. Pour les Oscars, ouais. Oscars, là. Vous pensiez qu'il y a du monde qui pensait qu'elle allait être là-dedans? Oui. Dans les cinq meilleures actrices. Ouais, elle est bonne. Elle est bonne. Mais elle sera jamais là, jeudi. Mais non. La seule... Excellente, mais je veux dire... La seule année qu'on a gagné un Oscar... Puis Denise Villeneuve elle-même l'a dit, c'était la seule année qu'on avait une chance. Puis même pour les 20 prochaines années, là, c'est en 2003 quand Retour du roi a gagné était là parce qu'il a gagné tous les Oscars sauf un film étranger. Mais il y a deux ans, il a failli nomination Ian Glen pour... Non, la seule raison pourquoi Ian Glen a failli, c'est parce que les courts-métrages... Ben, il a été nominé. Oui, mais la seule raison pourquoi, c'est parce que les courts-métrages de fiction aux États-Unis, ça s'appelle une série télé ou à HBO. C'est la seule raison pourquoi tu as eu une chance d'avoir Ian Glen aux Oscars, parce que les courts-métrages de fiction aux États-Unis, là, ça passe six pieds par-dessus tête. Il n'y en a pas aux États-Unis. Ça n'existe pas un court-métrage de fiction aux États-Unis. C'est un TV movie à HBO. Fait, excuse-moi, mais avant que Anne Dorval soit en nomination aux Oscars, c'est rien contre l'actrice, c'est rien contre les films de Xavier Dolan, mais même encore, Xavier Dolan, la seule chance qu'elle ait aux Oscars, ça va être peut-être l'année prochaine avec son film américain avec Amy Adams. À part de ça, excuse-moi, il n'y aura jamais de chance d'aller aux Oscars. Non, mais c'est pas une affaire de pas aller ou d'aller ou whatever. Je veux dire, les Oscars, à un moment donné, là, tu sais, un prix, ça veut pas dire que tu as fait un bon film, puis un bon film, ça veut pas dire que tu vas avoir un prix. Mais tu vas avoir plein de bons films qui vont avoir fait des millions et des millions et des milliards de box-office qui n'auront jamais gagné d'Oscar. Je te regarde, toi, Avenger. Ben là, Avenger a gagné le meilleur son. Avengers, c'est pas... C'est un blockbuster, là. C'est un blockbuster. Oui, mais il a quand même gagné meilleur son, meilleur effet spéciaux, là. Je sais pas, là, effets spéciaux, il y en a... Écoute, pour vrai, tu compares ça à, mettons, Avatar. Oui. Non, mais tant qu'à ça, Avatar, c'est deux affaires différentes. C'est un blockbuster aussi, son nom avec la même affaire. Ouais, c'est pas quoi une tasse dans l'espace. Vu tu entends l'histoire, c'est vraiment... Non, Avatar, là, c'est parce que c'est des... Au niveau technique, il est plus gros. Au niveau... tu sais, l'histoire est vraiment moyenne, mais comme... C'est pas quoi une tasse dans l'espace. Oui, mais mettons, t'enlèves le... Tu sais, ils ont pas gagné Best Movie, ils ont gagné Best Picture. C'est Dominator. C'était le Dominator avec le gars qui fait Hawkeye. C'était de l'ex à James... Ils ont gagné. Ouais, mais ils ont gagné. Ils ont gagné meilleur maquillage, je me sens. Oui, mais Avatar a rien gagné. Il s'est fait laver par des mineurs. Bon, mais whatever, là. Mais tu sais, genre, ils ont gagné pas pour le contenu, ils ont gagné pour le contenant, tu sais. Mais les Oscars, c'est toujours comme ça. Puis ça, je me suis jamais trompé. Le film qui va tout gagner au début ne gagnera rien à la fin. Hey, puis c'est drôle, hein? Tu regardes ça, là. Au Québec, là, il y en a combien des réalisateurs de films indépendants ou tu sais, de films plus... On fait juste ça. Ouais, parce qu'on n'a pas le budget pour le reste, mais qui sont reconnus comme étant des excellents films, là. On a Jean-Paul Vallée, là, qui est en train de... Lui, il est en train d'en faire un ou qu'il en a fait un? Il en a fait deux, là. Mais... C'était quoi, puis quoi? Il a fait Dallas Buyers Club. Puis t'en as un autre. C'était pas ici, en anglais, là, par exemple? Hein? C'était pas anglophone? Ok, d'abord, tu parles des films. Je parle québécois, là. Bon, Denis Arcand. Denis Arcand. Ouais. Xavier Dolan. Il est pas rendu là. Il fait encore des films de cégep. C'est ça, je voulais dire tantôt. Xavier. C'est pas méchant, je veux dire. C'est parce que, à un moment donné, de crier au génie pour du monde qui font des affaires que t'as déjà vu 60 000 fois. Xavier Dolan, c'est toujours la même affaire. Le petit j'ai gars. Vu le même film 4 fois, là. C'est ça, le petit gars gay que sa mère, il aime pas. Ou qu'il se sent toujours pas accepté. Puis c'est toujours avec Anne Dorval. Ou avec l'autre, le jeune homme, là. Je m'en rappelle pas son nom. Il a joué dans une série télé pour jeunes, là, à Télé-Québec. Ouais. Non, mais là, Télé-Québec, c'est juste ça, des séries pour jeunes. Ah ouais, c'est ça. En tout cas, je sais que vous allez me dire, oui, mais là, t'as garde sacrifié, c'est tout le temps la même affaire, t'as garde Star Wars, c'est toujours la même. Oui, mais au moins, ça, tu t'y attends, puis c'est voulu. Ben ouais, c'est ça, un film de Xavier Dolan, c'est un film d'auteur, t'es pas supposé de me shooter la même affaire, t'es supposé avoir de l'imagination. Si les. Tu sais. Me semble. En tout cas. Ouais, en tout cas. Anyway, on n'est pas Oscar 42. Non, mais t'as l'un des plus grands. Non, mais il y a moi qui est un maniaque de cinéphile. Oui, oui, je sais, mais dans le sens que même. Tu sais, le monde qui dit. J'ai 2000 films. Non, mais je sais. Mais le monde qui dit ah, vous avez tort de penser ce que vous pensez, ouais, pis. Ben, c'est qui, toi? Non, mais. OK. Moi, je pense que je le dis genre au moins une fois ou trois mois ici, là. Moi, le monde qui me dise la vérité, là, j'ai bien de la misère avec ça. Non, ce que tu dis, c'est pas vrai. Ce que tu... c'est exactement ça, surtout quand on parle d'or, là, le monde qui détienne la vérité dans leurs mains, là, il n'existe pas. Non, ça, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. Mais, pour les Oscars, tu peux shooter les 5 podcasts que j'ai parlé d'Oscars avant et après. C'est bien rare que je me suis trompé. Ben, ça veut pas dire que... J'ai pas la vérité toute crue, mais non. Les Oscars, c'est mon pain puis mon beurre depuis 20 ans. Les Oscars, c'est mon Super Bowl à moi. Les Oscars, c'est mon show à chaque année. Je suis un des seuls gars sur Terre qui va plus aimer les Oscars que le Golden Globe. Parce que le Golden Globe, le problème, c'est que meilleur acteur pour ci, meilleur acteur pour ça, meilleur acteur pour ci, meilleur acteur pour ça, meilleure actrice pour ci, meilleure actrice pour ça, meilleure actrice pour ci, meilleure actrice pour ça, meilleure série, meilleure mini-série, meilleure... On a compris, on a... Les Oscars, le seul... On fera pas un Transformer 4. Le seul problème avec les Oscars, c'est que c'est la maudite présentation du trophée. Bon, ben, je vais vous présenter le trophée du meilleur son. Sans le son, le film ne serait pas écoutable. Nous savons que depuis deux... Bon, accouche qu'on baptise! Bon, mais c'est tout le temps ça. Pat, je comprends pas pourquoi que le monde écoute ce genre de... Je veux dire, même... C'est juste ça va être si j'écoute les Olivier, là, puis j'écoute les meilleurs moments sur YouTube le lendemain, parce que je le sais que ça va être long pis plate. Oui, je sais, mais c'est juste savoir c'est qui gagne. Il se passe rien dans les cérémonies, ça dure 3h30, il y a des annonces aux 2 minutes, ils présentent un prix, c'est un peu drôle ou c'est un peu dramatique, il y a encore un 2 minutes... C'est vrai que ça dépasse toujours le... Oui, le... Alex, je retiens deux choses des Golden Globes de dimanche, puis je pense que tout le monde a les mêmes affaires. Bill Cosby, Kate Upton. Kate Upton, mais la fille de Meg Ryan. Je sais même pas. T'es sérieux? La fille de Meg Ryan. Pas la fille de Meg Ryan, mais la fille de... Ah, oh, Colin. De Kate Russell, là. Audrey, aide-moi. J'ai pas écouté Golden Globes. Non, je sais, mais madame filme Captain avec Matthew McCartney, là. 10 raisons de perdre son homme, là. C'est-tu, moi? Ah, oh, Colin, voilà. Fais ta critique de The Hobbit, je vais la retrouver tout de suite. Hein? En français, moi, j'ai juste compris. Hobbit! Hein? Hobbit. Ah, oh, ok, d'accord. J'avais pas compris ça. Le film le plus underrated de l'année. Qu'il y a vraiment pas eu de budget. Que... T'en avais sûrement pas entendu parler. oui, qui est la suite de... Oh, c'est la fin d'une trilogie. Très low budget. Là. Ouais, très très low budget. Réalisé et scénarisé par Peter Jackson. Et encore. Ah, avec no la Guillermo del Toro. Ouais, Guillermo del Toro, il est partout, ce dude-là. C'était lui qui était supposé réaliser à l'origine. Ouais, mais ça paraît. Qui aurait dû le faire. Donc, je vous parle le Hobbit, la bataille des 5 armées. C'est beaucoup d'armées puis beaucoup de niaisages pour rien, alors que c'est une série de 3 films pour baser sur un seul livre. Je vais le rappeler encore pour la 30 millionième fois. Hein, Phoebe, t'es d'accord avec moi? Donc, je vous ferai pas un résumé des deux autres films parce que quand ils sont longs, sont longs avec des personnages qui n'ont pas rapport, dont une histoire d'amour entre nains et elfes que j'essaie toujours de comprendre d'où c'est que ça vient, cette histoire-là. Peter Jackson, arrête de fumer du bon pote. Suite à tous les événements du dernier film, et j'essaie d'avoir de l'air vraiment cool avec mes notes, les nains ont essayé de tuer Smaug. Smaug. Le dragon. Le Smaug. Puis là, ça finit avec... Smoke qui s'en va à Lakeville, pis le bug est là. Seigneur, qu'avons-nous fait? Générique, fuck you, fuck you, fuck you. Que c'était moi. Et ça reprend exactement la même place. Smoke arrive à Lakeville, et là, il commence à se détruire tout le monde. Ah! Et en pensant, si vous avez pas de spoiler, mais désolé, gang. Mais le spoiler, hey mon dieu, t'as pas lu le livre encore, là? Hey, guess what? Il se sauve, puis il y a l'anneau, puis après ça, Seigneur des Anneaux 1, 2, 3, come on! Non, non, mais, spoiler, est-ce que tu penses si les nains ont eu leur hostie de montagne ou pas, Chris? C'est ça. C'est bon, qui est-tu mort? Oui, il meurt. Gandalf. Il meurt après genre la... Gandalf doit mourir! Il meurt à la fin du troisième Seigneur des Anneaux. C'est ça. Genre 1000 ans après le troisième Seigneur des Anneaux, genre. Pis le pire, c'est que je pense que je niaise même pas. Donc, Smaug s'en va à Lakeville. Comment on va faire de la mandade? Attends. Et là, Bard, qui est l'archer, là, avec sa flèche noire, arrive à se sauver. Tout ça pour en être sur la courte. Il arrive plein de marde. Oh. Parce que, je vais essayer de vous résumer, c'est genre... On a l'image. C'est genre quasiment une demi-heure et demie de film. C'est ridicule. T'es comme Colis. Et le pire, c'est que c'est le moyen de la gang. Il est 2h24 minutes. Eh oui. Pas long. Eh non. Oh là là. Fait que c'est ça. Fait que Smaug finit par mourir parce que Bard a décidé d'avoir de l'air cool, puis il a tué. Et en passant, si vous trouviez que le maître et son doudli de Lakeville, là, tu sais, le lord, il meurt. Yeah, tué par Smaug. Yeah. Tout ça pour vous dire que... Oh boy. Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes 14 nains? En fait, pas 14 nains. 13 nains. Un hobbit. Une montagne remplie d'or. Puis vous êtes tout seul, pas d'armée. Qu'est-ce qui se passe d'après toi? Tu veux garder l'or tout seul? Oui, chicane! Mais... De la merde! Ouais, c'est... Donc, les cinq armées, c'est les armées des cousins nains de Thorin qui vont s'en venir. L'armée d'orques. L'armée des hommes. Et l'armée des elfes. Yeah. Et puis bon, mon sympathique hobbit imbécile qui est là-dedans est comme OK, fuck my life. Donc, c'est la bataille de tout ça. C'est à la fin, bien entendu, il faut qu'ils s'unissent contre l'armée orque parce que c'est la vraie menace. Et du nécromancien, que dans le fond, c'est juste fucking Sauron, puis qu'on nomme pratiquement jamais le nécromancien ou presque dans le Hobbit, si on vous le dit, qu'on lisse. Bon. Fait que... je vais essayer d'avoir de l'air. C'est parce que l'affaire, c'est que mais moi... Mais sais-tu qu'est-ce qui est arrivé? Attends, on va faire mon manonque. Sais-tu qu'est-ce qui est arrivé? Parce que eux autres, ils ont écrit le film, puis ils ont dit, on va faire un nécromancien. Ah, c'est quoi son nom? Ils le sauront pas. J'en chaud la semaine prochaine partout à Montréal. Alex, 8000 piastres, hein? T'as payé 8000 piastres pour ça, hein? Non, non, ça c'est mes oncles qui m'ont montré comment faire. Tu sais, ils disent à l'école, hein, faire rire la famille c'est facile, hein? C'est moi qui le dis, c'est pas moi. Non, ils disent aussi à l'école. T'es jamais allé à l'école, comment tu le sais? J'ai voulu y aller. Ah oui, mais ils te le disent pas à la porte. Ils te disent non. Pas, hey, by the way, 8000$, pis c'est facile de faire rire ta famille. Non, mais ils te le disent par l'alcool. Audrey, finis donc ta critique, là. Ah, oh, c'est-tu, je suis tannée. T'es tannée? Non, je suis aussi long, cette critique-là, que le film. Film. Film. Mais oui, mais tu veux qu'on dit quoi sur un film 2 mois plus tard que tout le monde a vu? Ok, ça suffit, j'arrête de faire le critique, ça suffit. Non, Audrey, ok, continue. Mais dans le fond, Thorin, il meurt, Calis, une bonne chance. Puis là, les deux hosties de nains qui sont là, l'autre qui voulait avoir de la porn avec l'elfe, et il meurt. Fait qu'il faut qu'il y ait. Puis là, il y a deux hosties qui sont eux, puis si on passe vers les Edwards 60 ans plus tard. Puis tard. Merci, bonsoir, fin de l'histoire. Bon. Qui joue à Trivia Crack? Qui c'est qui joue à Trivia Crack pour de vrai? Ah bah, il va falloir que... qui joue à Trivia Crack, Colis, que j'aille le challenge tout de suite? Bon. Pour continuer, ouais. Avec ce que je disais, Golden Globe, j'ai retenu 2 choses. Ah oui, arrête ça de me... Qu'est-ce qui se passe? Oui, mais t'as dit que ta critique est finie! Je veux reprendre mon affaire des Golden Globes. C'est une classe, tu vois. J'ai retenu, et je pense que tout le monde a retenu, 2 choses dimanche au Golden Globe. Bill Cosby. Plate, ça sert à rien. Non. Bill Cosby. Puis Kate Hudson, sa robe. Non, j'ai rien retenu de tout ça, parce que vois-tu, moi j'ai retenu qu'il y a une de mes actrices préférées dans Downton Abbey qui a gagné meilleure actrice de soutien. Va voir la robe de Kate Hudson. Je m'en calisse. Mais je vais aller voir pareil. Ouais, mais ça va voir. Je peux pas finir ma critique du Seigneur des Anneaux, tu sais. T'as-tu vraiment quelque chose à rajouter? Mais tu m'as dit, qu'est-ce que tu veux qu'on parle d'un film que tout le monde a vu depuis 2 mois? Et non, pas tout le monde l'a vu. Non, c'est vrai, je l'ai pas vu. Fait que c'est ça, c'est pas tout le monde. Toi, monsieur, je suis si important. Non, moi, je suis un trou de cul, là. Ben voyons. Ah, c'est ta gueule. Je suis un trou de cul, oui. Ok, une gosse. Oui, Alex, on va y botter le cul. Qu'est-ce que j'ai fait, là? Regarde, excuse-moi, là. Mais, Damon B, ok, qui est un des meilleurs joueurs de eSports à Call of Duty. Merde, mes écouteurs viennent de briser. Hey, Astro, j'ai besoin d'une nouvelle paire d'écouteurs. Astro qui répond. Va-t'en en TDM. De quoi tu parles? Je sais pas, ça me tentait d'applaudir. Je comprends pas. Qui a fait un bruit de criquet? Je comprends pas. Moi. Qui l'a sorti? Mais c'est qui joue à Trivia Crack, Carlis, que j'aille arrête de poser la question. C'est-tu toi, Alex? Non. C'est toi, Cédric? C'est Seb. Répondez-moi. C'est ça. Je veux me challenger, j'adore ce jeu-là. En 2015, là, la robe. Fait que. Ouais. C'est tout, y'a plus rien. On s'en va à la maison. On remet tes crickets. On est déjà à la maison. Non, Seth, remets pas tes crickets. C'est-tu la robe blanche? Oh. Oui, c'est la robe blanche. Ben, la robe blanche. La robe semi-transparente? Semi-transparente. Mais calique, c'est dommage élite. Ouais, mais on en voit un peu trop. C'est dommage élite, si Ada est morte. J'avoue, hein? Se passe, là. Elle a de l'air trop maigre, si. Tout le monde a dérapé. Ça, puis la robe de Jennifer Lopez, il y a quelques années, là. Jennifer Lopez, c'était attends, plus... Attends, une minute. Est-ce qu'on a vraiment une discussion de mode, Pat pis moi? Oui. Mon Dieu, est-ce qu'on peut ne pas en avoir? Ça se fait-tu? Ouais. Non, parce que là, on parle d'une robe décolletée. Là. Quoi? Une robe décolletée avec la fille qui avait de la bain en chair, puis là, maintenant, elle l'est plus. Mm-hmm. Ben, là, encore avoir quelque chose de ses os, là. La peau. Ben, là, encore avoir quelque chose, là. Audrey? Hum? Elle a encore avoir quelque chose de ses os, là. Je trouve que c'est trop maigre. Ben, regarde, ils sont tous trop maigres. Ils sont tous trop maigres à Hollywood. Même Jonah Hill est en train de donner trop maigre, là. Come on, là. Ouais, mais lui, c'est parce qu'il était vraiment trop gros à un certain moment. Tu sais? Mm-hmm. Ouais, fait que c'est tout pour cette semaine sur on parle du poids des vedettes de Hollywood. Pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Ok, on retourne sur le Seigneur des Anneaux. Ben, on n'avait pas fini. Mais... Non, on n'a pas fini. De c'est pas ça qu'on est sur les calices de Golden Globe, que tout le monde s'en calisse. Pas moi! Oh, c'est super. Tu viens me parler d'une hostie de robe. Depuis quand tu me parles de robe? À part si tu bandes dessus, ce qui est pas mal probablement le cas, je vois pas pourquoi tu viens me parler d'une hostie de robe. Moi qui est madame, j'aime pas les robes. Ouais, c'est sûr, madame, je m'habille en pyjama à longueur de semaine, là. Oui, t'as tout compris. Mais dans son garde-robe, elle a 25 pyjamas puis un habit IGA. Non, c'est pas vrai. J'ai 25 paires de leggings, 26 paires de bas de pyjama et 30 000 t-shirts avec une brassière. Bienvenue à garde-robe 42. À garde-robe Audrey 42. C'est 42. Parce qu'à chaque fois que Pat vient me voir, je suis tout le temps en bas de pyjama. Okay. Oh, t'as un haut aussi, là. Faut pas l'oublier. Non, en général, tu viens me voir, j'ai souvent mon t-shirt sur le dos. Ouais, c'est ça. Ben, c'est un vrai t-shirt que je porte à tous les jours. Ouais, j'espère. Oh boy. On a plus de critiques, là. Non, c'est fini, là. On est rendu à Bitchage 42, là. Non. Ça, c'est après le podcast. Oh. Ouais. Ben, non, ça, c'était la semaine dernière à Bitchage 42. Ce n'est jamais. Oh my god, depuis tantôt, j'ai sur mute, moi. Oh. Ok. Hey, Mathieu, on peut t'en trouver où et comment? Ben, c'est le site d'Alpha 42 qui va revenir, là. Ouais, j'avais pas tourné. Ben, là, dans un sens, il est actif. Si vous faites alpha42.net, c'est actif. Ça marche pas, moi, je l'ai essayé. Ça marche pas. faites www.alpha42.net. Essayez aussi. J'adore ça. Et que j'ai hâte que ça revienne comme il faut. Je suis découragé. C'est ta question de tantôt, là, c'est pas pantoute. Bon, t'as comme une question que tu m'as demandé, là, c'était pas pantoute, finalement. Ah, ben, Cédric, on peut te retrouver où et comment? On peut me retrouver sur Twitter au 7-2-1-2, sur Steam 7-0-4-1-0. Et sur cette musique, je fais mon retour, mais j'attends que le site soit disponible pour mettre les épisodes et l'hébergement et tout. Ouais, c'est ça. J'ai hâte. Mon portefeuille aussi. Je voulais financer la NAS QG. Audrey, on peut t'en trouver où et comment? Vous pouvez m'en trouver sur AngeNoir29 sur Twitter et sur Audrey Burel sur Facebook. Alex, on peut t'en trouver où et comment? Quoi? On peut t'en trouver où et comment? Non, mais... Pourquoi vous parlez tout en même temps, tout le temps? J'ai rien dit, moi, pour une fois. Alors, vous pouvez me retrouver sur Twitter, @hyperbl, sur Facebook, Alexandre Boutin-Labonté, et dans mon appart en train de filmer pour Consolez-vous, qui revient probablement demain si je finis de faire le montage ce soir. Et ça sera sur le site de alpha42.net, un moment donné. Moi, c'est simple, partout sur les internets, je suis Zach Tarus. Sauf sur Twitter, j'ai perdu mon nick en voulant le changer pour 42. Maudit winner. Fait que là, t'es quoi? Je suis Actarus 42. Ah, ok. Mais pourquoi tu l'as changé pour 42 si tu voulais revenir? Parce que sur Xbox, je suis rendu Actarus 42, puis je me suis dit, je vais le changer partout pour 42. Ouais. Puis finalement, en voulant. Non, c'est que finalement, en voulant revenir en arrière, il y a quelqu'un qui a volé Actarus. Ben, volé. Ah. Il était disponible. Ben, ouais, je sais, mais c'est comme. Tu peux changer ton nom Twitter? Oui. C'est-tu vrai? Oui. Ben oui. Hey, moi, je change pas, laisse faire. OK. C'est moi qui ai Actarus à cette heure. Non, c'est un pseudo-arabe, là. Pseudo? Ah, ouais, pseudo. Il est moitié libanais. Bon, sur ça, je m'en vais me faire gueuler après par Alex parce qu'on n'a pas été sérieux pendant les 10 dernières minutes de l'émission. Salut tout le monde! À la prochaine! Ciao. Bye. J'ai l'air d'un despot. Salut tout le monde, ici Patrick Archambault d'Alpha 42. Et hey, toi, tu veux continuer de nous encourager dans notre belle aventure? Voici moyen que tu peux le faire. Premièrement, Facebook, Twitter, aimez-nous, partagez-nous. iTunes, télécharge-nous et laisse-nous un commentaire. Sinon, tu peux aussi nous encourager monétairement en laissant un don PayPal ou en faisant tes achats via le lien Amazon sur les sites Alpha 42, Spike Celeste 42, Bistro 42 et Xbox Québec. Sur ce, merci de nous encourager et bon podcast! Sur les ondes de radio H2O. H2O Sport Hebdo. Tout le monde a deviné. Jean-Pascal est au bout du fil. Jean, comment ça va? Moi, vous me connaissez. Mm-hmm. Je veux toujours donner un bon spectacle aux partisans. J'ai toujours amené de gros noms au Québec. C'est moi qui ai amené Charles Dawson le premier quand il était considéré comme un des meilleurs boxeurs au monde. Ouais, il était à son Bernard top. Hopkins. Ouais. J'ai amené Oscar De La Hoya, mm-hmm. le promoteur. Tous les lundis soirs de 20h à 22h. Radio H2O.ca. Ensemble, nous sommes la force. La hausse des prix du pétrole nous affecte tous. Et aujourd'hui, il devient de plus en plus difficile d'économiser sur l'essence. Pourquoi vouloir donner plus quand on pourrait en garder une partie dans nos poches? La solution, Tough Oil. Tough Oil est un lubrifiant pour moteur le plus efficace au monde. Il permet une économie d'essence en moyenne de 10% et augmente le rendement du moteur. Pour la santé de votre moteur et de vos poches, on utilise Tough Oil. Disponible sur toughoil.ca. Toughoil.ca. Ça dérange les pétrolières. Go!